Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche! Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin, puis je mords pas sauf si tu me le demandes. C'est le « s'il y a pas de prix, c'est gratuit » des applications de rencontre. Ah! Come for real, make it stop, là. Y'en a trop, c'est plus drôle, it's not clever, it's not new, it's not fresh, là. Ça va, là. My God, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Toujours dans l'ordre du rose, moi c'est Jess PVM, grande bipolaire, non-binaire, concierge. Ouais. Puis Un soupir à la fin! It's a soupir for me. Ouais, puis lundi, je faisais la tech chez Mado. Ouais. Pour le podcast Entre deux lèvres. Bonjour Rainbow, bonjour Mona. Puis tabarnak de calice, hostie, le matériel là-bas est tellement vieux. La console, là, Jésus a mixé aux noces de Cana avec ça, c'est sûr et certain. Hostie, j'ai jamais vu une affaire de même. Puis là, après ça, la place va passer au feu, c'est une question de minutes. Dans 5. Préparez-vous. 4, 3, 2. Hey, là, t'as pas fait. Checker une nouvelle, checker une nouvelle. Ça, c'est encore un cas de si ça arrive, on est dans la merde. Ah, calice. Mais non, mais OK. Pour vrai, brûle l'été prochain. Non, brûle à un moment où on brûle pas. Préférablement. OK, puis là. Hey, là. Puis là, sacrement, on n'est pas tout seul. Et. Ah. Là, on les a reçus séparément sur la saison 1 puis la saison 2. Mais là, on les reçoit ensemble, puis toute la famille est réunie. On reçoit Chosen Family! Allô! Salut! Hello! On est avec Welcome. Thomas Leblanc et Trana Wintour. Welcome de notre... to a brand new episode. Oh my God. Chosen Family. Là, c'est pas CBC, on est en France! Ben oui, de notre sister pod Chosen Family, pour un épisode spécial des fêtes, on se fait un petit réveillon queer. Oui, on est avec Trana Wintour, comédienne, humoriste, twitteuse professionnelle. En fait, tu dis comédienne, c'est comédienne. Comédienne, oui, je parce l'ai que, traduit. Oh my God, mais c'est pas comédienne comme A-N, c'est comédienne. D'un choix, c'est un choix délibéré, Trana, que t'as fait de... Non, les deux sont corrects. OK. Mais j'aime pas le mot, comic. Ok. C'est celui-là que j'aime pas. Ah. C'est trop masculin, je trouve. Ouais. Il y a trop de mauvaises connotations pour moi. C'est pas drôle. Dès que tu te dis comic, you're not funny. C'est ça. C'est juste ça. Qu'est-ce qu'on pense de comic en français? Ah. C'est très bien. Un petit comic. C'est un comic. Oui. Ça sonne juste comme genre un élève turbulent, là, quand tu dis comic. Ça sonne ritalin, à mon avis. Là. C'est ça. Oui. Fait que c'est ça, puis là, j'ai pas présenté Thomas comme du monde. Fait que Thomas, qui est aussi humoriste, stand-up comedian, avec un A, je suis trop, là, on vient d'avoir la conversation, j'ai pas suivi, mais... T'es-tu comédien? Comédien. Et là... anti-bébé, je crois. Ah, on va revenir là-dessus, mais yes. Ouais, chroniqueur animateur, toutes ces choses. Toutes ces affaires-là. Ouais. À deux, vous savez, faites juste vous dire, les jobs pas payantes au monde. Je veux juste vous dire, oui, absolument, mais je veux juste vous dire que moi, de venir à Deux Fifs le matin et à Crash ton thé, c'est genre... une des affaires qui me donne le plus de followers. C'est-tu vrai? Pour vrai. Wow! Ouais. Listen wow, baby. Ouais. Ben, c'est fini ce temps-là, on est Shadowban. Ouais. On est Shadow, plus personne voué. That's it. On sombre dans l'oubli. Hey, là, aujourd'hui, c'était comme un réveillon. Ouais. C'est ça qui se passe. Ho, ho, ho. Aujourd'hui. Je peux pas ne pas dire ho, mais ho. Mais non, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est le temps d'une dinde, dinde, dinde. Tu es capable de prononcer tes H. Oui. Wow. Oui. Bilingue. C'est impressionnant. Ah ouais. Bilingue. J'ai pratiqué. C'est rare les sons de gorge en français, mais ho, ho, ho, yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Bonjour, aïe. Bonjour, aïe. Quand tu rentres chez la mère, genre, bonjour, aïe. Où la sauce? Oh, boy. Toi aussi, t'as commencé l'humour, on vient de l'entendre. Hey, le gars. Stand-up comédienne. Comédienne. Ouais. Oui, moi, je vais me mettre à l'écran de même, sacrement, là. Ah oui. Hey, puis comment ça se passe? T'es-tu au sommet de ta gloire? Qu'est-ce qui arrive? Pour vrai, ça s'est bien passé. Fait que maybe it's only going downhill from there. Non. Mais genre, j'ai fait une gig à Bulge au NDQ en anglais. Puis, en fait, c'est toi, Thomas, qui m'avais dit que c'était quand même une belle position à avoir d'être comme un genre humoriste franco dans un monde anglo. Tu sais, que ça donne une posture intéressante, tu sais. Puis, c'est confirmé, en fait. Là. J'ai fait... Moi, j'adore être le franco de service pour les anglophones. Ah, moi, j'ai fait des jokes de « Salut la gang, je vous fais-tu un numéro en français? » Puis là, le monde a applaudi, puis j'étais comme « Chris, vous avez déménagé en haut de l'avenue des Pins, là. Vous parlez français maintenant? » Genre, j'avais pas d'allure, là. Mais non, c'était très bien. Fait que oui, moi aussi, je suis rendu dans le stand-up club. Il ne manque que Jess. Ça n'arrivera jamais. Ben, c'est pour ça que j'embarque déjà dans la manipulation émotionnelle. Jess, il est comme... I'm gonna win that far. Ouais, non, c'est ça. Parce que je veux dire, le silence treatment, ça marche tout le temps. Tu peux pas perdre avec le silence treatment. C'est votre expertise. Donc là, aujourd'hui, de quoi on parle? Ben, comme je disais tantôt, c'est le temps d'une dinde dinde. Oui. À savoir... Swing l'avocat et... dans la boîte à bois. J'aurais aimé ça pour avoir ce moment-là dans ma tête. Ah! C'est la messe de minuit, là. Oui, oui. C'est toute la pièce. C'est ouais. La... on lave Maria à soir. On parle de All Things temps des fêtes avec notre famille de naissance, avec notre famille choisie ou avec personne si on veut juste que le monde nous calisse patience pendant nos vacances. Normaliser ça. Oui. Normaliser les Noëls tout seul. Normaliser les Noëls, c'est un grand plaisir. Grand plaisir. Oh, hey, on y reviendra. C'est le temps des fêtes, ouais. Là. Ouais, on va y revenir. On rejette la tradition et on embrasse la modernité en vous partageant nos rites de fin d'année. Oui. Nos rides de fin d'année, nos oui. Nos rides de fin d'année, oui. C'est comme ça que je l'ai dit. C'est comme, ouais. On va parler de Noël dans la pop culture, hein, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et on va faire ça, mon Dieu. Ben oui, c'est on bon, c'est une idée que t'as eu. Non, moi, gars, je te dis, je chie de l'art tous les jours. Hey, je sais, Midas, si en personne. Et on parle du nouvel an, New Year, New Me. On a-tu hâte à 2022, nos petites résolutions? Chaque année, on se fait avoir. Chaque année. Chaque année, on se fait avoir. Chaque année, on se fait avoir. Oui. On pense que ça va être mieux. Oui, mais non. C'est un piège à chaque fois. Ouais, mais on n'a pas le choix. Cancel parce que le si nouvel on an. Pas ça. C'est l'espoir. En fait, les fêtes, c'est toute la question de l'espoir. Ah, si on va encore parler de l'espoir, ok. Tabarnak. Pour vrai, c'est rien que l'intro, puis on est déjà rendu deep, là. More water signs sur le podcast. Attends, mais j'ai un de mes amis qui. Il me parle, je pense qu'il aime Chosen Family, mais il m'a dit, tu sais, t'as un petit côté José Lito quand même. Oh! Yes! Puis je pense qu'il pensait que c'était un read, puis j'étais comme, oui. Absolument. Ben oui. Chernabino ou José Lito? Non. Oh my God! Wow! It's all about the haircut. Oh. C'est la hairdo qui fait qui? Tout. José Lito, c'est un ancien agent d'artiste. L'ancien agent d'Isabelle Boulay, mais Boulay. Il se parle plus. Oui. OK, donc c'était l'agent d'Isabelle Boulay qui en a fait quand même une très, très grande star. Et c'est un... officiellement, c'est un homme hétérosexuel marié avec une chanteuse, Véronique quelque chose. Ah! Ouais, ouais, ouais. Très connue de sa mère. Véronique quelque chose. Mais gros vibe pas straight, on va dire ça comme ça. Oh my God! Il y a pas le vibe. Oh my God, j'aime tellement ça que genre you see the queerness in José Lito, pis t'es comme moi, s'il y en a un que je veux qu'il fasse son coming out, qu'il soit dans la gang, c'est José Lito. En même temps, il peut be who you are, baby, mais ouais, fait que José Lito, il a fait une entrevue, il a fait une émission pendant des années où il prenait un train de Montréal au canton de l'Est, puis il faisait une entrevue dans un train. Et il faisait toujours un train. Il faisait toujours brailler ses invités. Wow. Mais c'était ouais, sur le day, là. C'était full on sur le day, là. Et nous, quand même, à Chosen Family, on a un petit côté oh, we go deep. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh, on aime ouais. Vraiment la c'est comme Lise Payette avec Céline qui sort la boîte de mouchoirs. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Moi, j'ai googlé Véronique Béliveau, l'épouse de José Lito. C'est ça, Béliveau. Ouais. On la salue. On la salue. C'est une chanteuse qu'on me dit. Pour vrai. Chanteuse des années 80, elle a eu beaucoup de succès, Véronique Béliveau. Pour vrai, elle a la wig de George Chanel dans son look mandarine dans la saison 1 Drag Race. Là. I don't know what the fuck that is, là, mais la première photo qui sort sur Google, là, c'est beau, Carlis. 4 points pour la référence. Ouais. Tabarnak. qu'est-ce que j'allais dire sur... Ben, je pense à Claude pour José Lito. Là. C'est ça Claude pour José Lito. Je suis sûr qu'il doit avoir des archives à quelque part. Là. Faut... Va voir Marc Labrèche qui fait José Lito, puis ça va te donner une, l'essence du caractère, je pense. Okay. Oh, ouais. Oh my God, genre, imagine genre avoir un boyfriend anglo fresh qui a jamais rien connu de la culture québécoise. Ben, mon boyfriend? Ouais, mais juste le feed avec les références. Jamais lui montrer les vraies personnes, juste lui montrer Marc Labrèche qui les imite. Comme meilleure éducation, oui. Là. I need to tell you about Monique Jérôme Forget. Oui. It's time we talk about Monique. Wow. Bon, ben, en attendant, on va aller se prendre un café parce que le pas de café, c'est pas prestigieux. Oui, puis vu que c'est le temps des fêtes, ça manque d'envergure. Ben, oui, c'est pas prestigieux. Ça manque d'envergure, sacrement. Oh my God. Ouais, fait que c'est ça. On va prendre un café prestigieux. Ouais. On va revient avec de l'envergure. Puis un CD de Michael Bublé, c'est le temps des fêtes, là, c'est là, là. Bon, that's it. Voilà. Hey, les moines! On est rendu sur Patreon. Si jamais vous avez envie d'encourager le meilleur podcast de Montréal, ça commence à 3 bidous par mois. Vous avez accès aux épisodes le vendredi plutôt que le mardi, 5 jours avant. Puis quand Jess se sent généreuse comme monteuse, vous aurez accès à des moments inédits. Si jamais vous avez d'autres priorités financières, c'est correct, les épisodes restent disponibles gratuitement 5 jours plus tard. Sur les ondes de Maman Choc ou partout où vous trouvez vos podcasts. Fait que c'était un beau café prestigieux. Eh, hein? le prestige. Fallait rouler nos airs aussi. Le prestige. C'est prestigieux. Oui, c'est prestigieux. Monique Jérôme Forget. In this house, on aime tout ça le temps des fêtes. Oui, moi j'adore. Ouais. Oui, j'adore le temps des fêtes. Ah ouais? Qu'est-ce que t'aimes le plus du temps des fêtes? Mais pour moi, c'est vraiment les films, la musique. Comme je fais pas de décoration, you know, okay, like ouais. No ouais. Way. Tout no est voulu avoir l'air cheap anyways. Il faut juste vraiment que tu te donnes pour que ça aille oui. Là. Puis même à ça, ça reste de la déco du temps des fêtes. Mais j'aime juste comme... C'est tellement corny, mais j'aime juste le sentiment. Like, c'est vraiment un temps d'année où je ressens comme... I feel the warmth, je sens l'amour. Like, it just puts me in a good mood. OK. Thomas? I hate it. Moi, moi, je suis comme le Grinch des fêtes. Classique, trauma, parents séparés, faire les fêtes. Il y a eu même une époque où, mettons, mes parents étaient séparés, chacun avait un autre conjoint, fait que je faisais des fêtes dans quatre familles. Oh, tabarnak. Non, l'enfer. Non, excessivement lourd. Géographiquement éloigné, toutes ces familles-là. Un bout de mon père était au Lac-Saint-Jean, effectivement. J'ai de la famille en Gaspésie. Mais je pense que c'est plus que ça, c'est que moi, j'haïs ça dans la société straight dans laquelle on vit, me faire dire quel jour avoir du plaisir. Si on me dit que le 14 février ou le 31 octobre ou le 25 décembre, je vais avoir du plaisir, alors que moi j'adore avoir du plaisir un mardi soir, ça sera pas possible. Oh my god. Ça sera pas possible. Pour vrai, my favorite take so far. Ouais. Sur le temps des fêtes, juste que tu vas pas me dire c'est quel jour je vais avoir du fun. Mais je pense que c'est juste ça. Je pense que comme j'aime pas. Puis j'ai un truc où je sais pas, c'est vraiment bébé Lala, mais ah ouais. Quand les autres ont du fun puis que moi j'ai pas de fun, on dirait que c'est comme juste I spiral out. C'est assez humain comme sentiment. Là, c'est ça. Je thrive. Moi, quand je sais que les autres ont pas de fun puis que j'ai fait le bon choix de rester chez nous puis de rien crisser, c'est là que je thrive. Moi, ça me vient de ma mère. Ma mère, elle haït un peu les fêtes aussi. Okay. Elle faisait pas de bouffe. Là, toi, ta mère, ta famille. Pas ma mère, ma grand-mère. Mais oui, c'est ça. On a toujours comme. C'est pas une. J'ai pas une grande famille, mais, you know, quand même. Ben, elle cuisinait pour une grande famille, là. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Ah non, moi c'est ça, dans ma famille, là, c'est ça. Il y a le, comme le Noël, grand-maman, les enfants, mais le, après ça, le jour de l'an, tout ça, là, c'est les oncles, les frères, les grands. Ça part dans le fond de toute la génération de ma grand-mère en descendant. Ouais. Fait que tous ses frères, ses sœurs, les mononcles, les matantes, qu'est-ce leurs qui est enfants. Différent? Je comprends pas dans ce que tu racontes, ce qui est différent de Noël puis jour de l'an. Ben, à Noël, le 24 au soir, c'est juste ma grand-mère, ses enfants, ses petits-enfants. Ah, OK. Puis là, l'autre, c'est famille. Là, c'est famille élargie. Mais vous, vous êtes combien? On va faire un concours. On va voir qui est la plus grosse famille canadienne-française. Ben là, mettons, de ma grand-mère en descendant? Ouais, on parle de... OK, bon, ma grand-mère a eu 6 enfants. OK. Qui, au total, ont tous eu 13 petits-enfants de ma grand-maman. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma génération. OK. Puis, ma génération a jusqu'à maintenant conçu 1, 2, 3, 4 enfants. OK. Wow. Peut-être le 5e on the way. J'en oublie sûrement parce que je suis vraiment de la merde comme personne, mais... ouais, fait que ça serait ça. Tu trouves-tu que c'est une grosse famille? Mettons, toi, ça te fait... Oui, quand même. Ouais, hein. Surtout que j'étais élevé avec mes cousins-cousines. Parce qu'on était les 13 ensemble pas mal tout le temps. OK. Toi, Charlie? Hey, moi, pour vrai, du côté à Nathalie, ils sont 6 frères et sœurs. Du côté à Suzy, ils sont 11. Famille reconstituée, ils en ont ajouté 10 dans le gang. Pour vrai, ils ont peuplé le fjord à moitié, juste à eux autres. Là. Genre, ils viennent de Saguenay, là, c'est vraiment des grosses familles. Puis tu sais, comme les deux, c'est les plus jeunes. Fait que toutes mes oncles, mes tantes ont eu des enfants. Mais j'ai des cousins, cousines qui ont eu des enfants avant même que, genre, certains de mes autres cousins. Oui, c'est ça, il y a des comme... oncles, mettons, ton neveu est plus vieux que toi. Ouais, là, oui, c'est ça. Là, même, ouais, ouais. Bah oui, j'ai des petits cousins qui sont plus mes cousins que mes cousins, genre, en tout cas. OK. Ouais, moi aussi, j'ai des overlaps de même, par exemple, dans la famille. Mais là, j'avoue que le 10 et 11, là, ça, c'est quand même beaucoup, parce que moi, mon père, il y a 10 frères et sœurs, c'est le dernier. Ouais, c'est ça. Puis mon grand-père, il était 19, mais là, on est plus dans cette génération-là, c'est les années 20. Ouais. Pas reconstitué, là. Non. 19! Wow! Ouais. Tabarnak! C'est une classe de préscolaire. Non, mais c'est ça, là! Le... Toute la petite école en Gaspésie, c'était, c'était cette famille-là. Tabarnak! Ouais. Puis, mais du côté de ma mère, elle a juste sa sœur. Ils sont juste deux. Mais, ah, mon Dieu, OK, drastique. Hey, bless them, pour vrai, là. Moi, je l'enjoy avoir juste ma sœur, là. Je suis content que la shop est fermée, là. C'est vrai, du bord de mon père aussi, ils sont quand même nombreux, mais c'est comme le... J'ai pas connu mon père tant que ça, puis là, il est mort. Fait que le reste de la famille est mort. Contre-contre. Et puis ils sont tous en Gaspésie, puis tout le monde. Non, jamais. Quel bout en Gaspésie? Parce que ça, c'est... Ah, oh, quand même! Ouais. La baie des Chaleurs, de mon côté. Parce que ça, c'est une autre affaire du Québec aussi, c'est que les fêtes, c'est pour les gens qui sont pas en région, quand on est dans, mettons, Montréal 4-5-0. C'est ça, c'est là que... Rapport. C'est le seul moment où on va dans la région, c'est l'été puis les fêtes. Toute Rana, ta famille est à Pierrefonds, je suis sûr. Oui, à l'ouest de l'île. Ouais, Pierrefonds, Dollard des Ormonds, un peu à Kirkland. Vraiment, vraiment pittoresque. Yes. Un beau lieu de villégiature. Pour moi, c'est la région. T'as-tu déjà été en région, Prenant? Elle a habité en voyage, c'est sûr. Non. Est-ce que la ville de Québec est considérée région? Un bit, un peu. Tu sais... Moi, j'ai mes opinions, mais on a bien de l'auditoire. Est-ce que Candiac est considéré région? Tu dis Candiac? Oui. Oh my God. Non, Candiac, c'est considéré comme nowhere. Considéré comme void. Ouais. Un non-lieu. Oui, les oiseaux s'arrêtent même pas là. Oh my God. Ils passent par-dessus. Ça va que c'est tough, yes! Oh wow, quand même, ok. Ceux qui traitent pas son Noël, là, qu'est-ce qu'on haït de Noël? Oh wow! Moi j'avoue qu'il y a une chose... Toi, tu l'aimes pas non plus? Moi, j'aime pas Noël. Et toi non plus? Moi, j'allais dire j'étais 50-50. Oh mon Dieu, je suis la seule à 100%. Pour vrai, t'es la seule à défendre Noël. La seule avec un cœur aussi. Wow. On a un cœur de pierre. Mais je sens pas comme un besoin de la défendre. Ouais, pour moi, c'est vraiment juste quelque chose de personnel. Ouais, c'est pas ma personnalité comme Mariah Carey. Ouais. Careful, bon, t'es un peu plus loin. Il parle pas français, on est à l'abri. Il faut censurer son nom. C'est ça, maintenant, quand je fais des tweets, et si je parle de Lady Gaga ou Mariah Carey, maintenant, je mets des étoiles dans leur nom. Oh my God! J'aime tellement ça! Oui, parce que là, c'est ça, vous avez fait, dans Extra Magazine, je pense, vous avez parlé de Mariah Carey et des tunes de Noël. Oui, justement. Bon, en fait, je pense que là, pour faire un lien avec ta question, la musique de Noël, moi, longtemps, j'ai haï ça. C'était un élément que j'haïssais. Ouais. Là, j'ai travaillé des années chez IGA. Moi, j'avais les mauvaises versions des tunes de Noël. Puis là, je suis en train de changer là-dessus, mais je pense que la musique de Noël, les gens qui aiment pas Noël, c'est un point. Ouais. Puis pour Extra Magazine, Trana et moi, on fait une chronique qui s'appelle That's the way it is. Puis on a fait une chronique sur la musique de Noël qui est sortie le 1er novembre. Fait que le point, c'était de faire comme makes no fucking sense. Puis tu sais, évidemment, tu sais, on est un. Tu sais, c'était il y a quelques années où les gens découvraient un peu le brand. Tu sais, Mariah, son brand de Noël, ça fait peut-être 6 ou 7 ans qu'il est vraiment intense. Ouais. Exactement. C'était pas le cas dans le passé, comme elle a sorti l'album en 1994, c'était tout. Oui. C'est vraiment juste dans l'âge des médias sociaux. C'est devenu viral, c'est ça. C'est ça. Puis aussi avec les streams que là, on pouvait les compter. Puis exactement. On voyait que ça devenait number one, ou ça remontait dans le palmarès. Exactement. Puis on disait, en fait, que c'était un peu dommage que tout son brand, ce soit Noël, c'est un peu tacky. Et là, les lambs certains lambs ont lu la chronique et là, ils se sont mis à nous attaquer sur Twitter. Mais ils ont été plus durs avec toi. Ils t'ont doxé quand même. Là. Non. Ils t'ont doxé. Non. Tabarnak. Non, it didn't go that well. J'ai eu des death threats. Quoi? Oh my God. Ouais. Excuse-moi. C'était pas super ce que tu disais sur Mariah. Pour avoir dit, c'est tacky comme brand. Et dans la phrase juste avant, je parlais de à quel point je trouve Mariah brillante. C'est une de mes chanteuses préférées. Ils ont juste fixé sur cette phrase où j'ai dit que le fait que son brand est maintenant centré 100% sur Noël, que je trouve ça Non, mais là, cette année, elle a fait une promo de McDonald's de Noël. C'est ça. Oui, mais c'est ça l'affaire. Puis là, on a Jump the Shark. Oui. Ouais. Là, je suis comme, OK, là, le menu Noël McDonald's, là, je suis comme... Je pense que aussi, c'est le consumérisme, c'est quelque chose que les gens aiment pas de Noël. Mais ce qui était cool aussi avec l'espèce de résurgence de Mariah Carey pendant Noël, c'est que c'était comme un truc de les gens, ils reviennent parce que c'est la toune de Noël qui a le plus pogné. C'est vrai que moi, pour vrai, All I Want for Christmas is You, I will come. Well, yeah. C'est bon pour vrai. Oui. Mais c'est vrai que là, quand on n'est plus dans l'espèce d'authenticité dont on y revient par nostalgie, puis on est juste dans le on va extraire tout ce qu'on peut de ça. Je suis comme, bitch, j'ai déjà fait 60 millions avec cette toune-là. Là. Oui. Comme pas besoin de faire un deal avec McDo pour nous vendre genre des Big Mac à canne de Noël. Là. Ça va. Là. I know. But honnêtement, like, je trouve, c'est comme pour ces fans comme super hardcore, c'est comme un religion, honnêtement. The Lamely, c'est un religion. Ah. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, leurs commentaires, ça devenait comme... C'était vraiment de la transphobie, l'homophobie. And I'm like, mais tu as des drapeaux d'arc-en-ciel, les drapeaux trans dans ton bio, you know, like... Qu'est-ce qui se passe? Dans cette sens-là... I draw the line at attacking Mariah's brand. Genre, tabarnak. But the way that all of their internalized transphobia and homophobia came out, étonnant. Mais ça me fait penser vraiment à les chrétiens qui sont la même chose. Like, ils disent de suivre Jésus and like love everybody, mais non, et c'est la même chose avec Mariah Carey. Moi, je dois dire qu'il y a eu un excellent read sur moi dans toute cette tempête-là, parce que ça a duré comme 24 heures. Moi, je suis ouvert au read puis au joke. Puis il y a quelqu'un qui a dit... J'espère, parce qu'on te drag régulièrement sur deux fils le matin. Est-ce que tu te name drop souvent? Tu me dis, écoute, tu réalises ça qu'on te name drop? Tu écoutes même pas ma carrière. Mais je me suis fait traiter de wannabe Billy Eichner. J'étais comme, wow! Tu sais, genre, draguer un white gay en traitant de Billy Eichner, j'étais comme, c'est quand même très bon. Et en passant, pour moi, ça m'a pas affecté du tout. Like, je le trouvais juste vraiment comme pathétique dans le sens littéral du mot. Like, c'est triste que... Je l'ai toujours trouvé triste qu'il y a des gens qui sont fans et ça, c'est vraiment comme leur vie au complet. Ouais. Et je fais pas de read, like, ça me rend triste. Oui. Like, not a read, I'm just sad. C'est juste vraiment dommage. Ah, mais oui, mais je comprends, là. Non, mais moi, je connaissais quelqu'un, mais je le connais qui, encore. Mais c'est ça qui arrive maintenant aussi, c'est que tu n'as même pas besoin de faire un hashtag ou... leur mentionner directement. Les fans de tous les grands artistes, les fans, ils ont des, comme, des alertes. Oui. Ils sont en train de rechercher le mot. Like, they're looking for it. Tu sais, des fois, je trouve que je suis overwork dans la vie puis que j'en fais trop puis que je me surmène. Ceci étant dit, je suis content que ce soit ça au lieu d'avoir une alarme pour attaquer le monde dirait des affaires sur, genre, Céline online. Je me trouve comme ça va. Yeah. J'aime mieux flirter avec le burn-out que ça. Désolé, mais les francophones sont les mêmes aussi. Ah, like, ben oui. Ils recherchent le mot Québec, ils recherchent le mot francophone. Québec bashing. C'est ça, là. They're looking for it. Oh my God. Alors, moi, je connaissais quelqu'un, je suis sûr que tu le connais. Faudrait que je te demanderais hors des ondes si tu connais. Je vais le biper, c'est correct. T'avais dit ça avec ton adresse aussi, hein? Oui, je l'ai faite, mais sur Spotify, il y a comme un bug. Mais on le rappellera pas aux auditeurs et auditrices et auditrices. Mais non, c'est ça, il passait sa vie là, sur Facebook. J'imagine qu'il le fait encore, je l'ai bloqué. À défendre Mariah? Ouais. Ah! Genre violemment, elle a traité le monde de piece of shit, puis de hardcore. Oh my God. Ouais. Puis tu le vois dans la vie, c'est une petite douceur, tu penses que ça ferait jamais de mal à une mouche, puis sur Internet, genre c'est complètement unhinged, puis. Yeah. Hey, hein? Ouais. Fait en tout cas, c'était notre bit sur Mariah. Ouais. On est-tu rendu un café avant de revenir? Déjà, on est, mon je sais Dieu, pas. Moi, je sais vrai? Pas si on est rendu un café. On n'est pas rendu un café. Moi, je vais extrapoler sur... Qu'est-ce qu'on a eu? Ouais. Ah non, moi, j'étais à l'autre bord. Là. Je voulais donner du temps parce que le Trana, c'est quasiment 3-1. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme un peu con. Musique de Noël, oui, non? Oui, j'adore. Ouais? Oui. Un petit top 3. Puis pourquoi? Bam! C'est difficile à dire pourquoi... Mais moi, j'aime aussi les ballades tacky en général. Like, power ballads, you know. Pour moi, alors, la musique Noël, c'est comme une extension de... T'as fait un show de musique de Noël. Oui, l'année passée. L'année avant le... 2019, oui, c'était super fun. Parce que j'adore tout ce qui est comme quétaine. Ouais. You know, c'est là que je voulais qu'on s'en aille. Et la musique Noël est quétaine et je l'adore. La musique de Noël, mais pas n'importe laquelle, j'aime soit celle qui est comme très bonne et différente, soit celle qui est absolument abjecte. Ouais. Mm. Puis quand je pense à un de mes albums de Noël les plus abjects que j'adore mettre de temps en temps juste pour comme créer du trauma, c'est Jacinthe a fait un album de Noël en 2002. Dieu. C'est... pas écoutable. J'adore Jacinthe. C'est pas écoutable. J'ai jamais écouté cet album, par contre. Non, je te jure, Prana, c'est comme... qui était derrière la console? Cette année, qui était derrière la console? Qui a mixé ça? Qui a pesé sur le bouton? Fait, oui, Jacinthe, on part avec ça, c'est correct. C'est de la musique qui s'écoute, genre. Non, celui-là, j'ajoute à ma liste cette année. God. Mais wow, sinon... je suis surpris. Kudos, parce que Prana connaît tout, là. Puis ça, que tu connais pas l'album de Jacinthe. Non, je l'ai oublié. Je sais que ça existe. Sinon, mais pour vrai, comme celle qui fait les meilleurs albums de Noël, je pense que c'est Dolly Parton, parce qu'elle écrit toutes des tunes originales, puis que c'est très country, c'est comme, ils sont différents, t'as beaucoup de tunes, c'est jamais comme, tu sais, puis même quand elle fait un cover, c'est assez différent. Oui. Annie Lennox a fait une qui est vraiment très belle, honnêtement, mais c'est sérieux, c'est quoi you le titre know? Déjà? Christmas Cornucopia. Mais moi, j'aime aussi, comme tu parlais de Jacinthe, j'adore les albums de Noël qui sont comme trashy pop. Comme, il y a un groupe qui vient de, du UK, qui s'appelle Girls Aloud. Et eux, ils ont fait un album de Noël aussi. Il y a tellement de raunchy songs. Ah, like, ouais. Qui parlent de s'asseoir sur le Père Noël. Oh my God. You know, ton oncle qui est un peu comme trop sexuel. Yeah. J'adore ouais. cet album. Pour vrai, Destiny's Child, genre Noël non. R&B. Attends, para-pa-pum-pum, full sexu. Mais là. Moi, comme... L'enfant au tambour, là, m'a dit une affaire, il a pas mis sa liberté. Et Days of Christmas. Ah, c'est ouais. tellement drôle, cette oh chanson. Oh my God, là. Tellement drôle. Dans le temps qu'on pouvait pas faire ce qu'on voulait à Beyoncé, là. Tu sais, là, maintenant. Ils ont dit que c'était age. Qui c'est qui a décidé que c'était 8? Destiny's Child. Il y avait moins. Okay. Il était on a schedule. 12 était trop long. Il était on a schedule, voulez-vous bien. sinon, album de Noël en français, je veux dire, Ginette, c'est notre queen. Non, pas celui de Mitsu. Ouais. Mitsu, though. Y a-tu cochon, cet album-là aussi? Non, je l'aime beaucoup. But I'm biased, obviously. Tu as comment rencontré Mitsu? Oh mon Dieu. Vous avez rencontré Mitsu? Oui. En fait, on sort un épisode avec Mitsu le 9 décembre. Que là, peut-être que l'épisode va être sorti. En tout cas, on ne sait pas. On sort ça là, dans des fêtes. C'est dans le futur. Là, ben, en fait, c'est que Mitsu, on a appris cette année qu'elle était fan de Chosen Family. Ça, c'est la première chose. C'est un rêve depuis le début d'avoir Mitsu. Moi, je l'avais contacté au début quand on faisait le projet, quand on faisait Chosen Family au Centre-Phi. Et là, on a appris qu'elle était fan. Elle t'a découvert, en fait, Rana, elle t'a découvert sur Instagram. C'est ça, honnêtement, je ne sais pas comment, mais c'était comme vraiment surréel parce que... Mais pour vrai, il n'y a pas juste les Lambs, le Mitsu aussi, elle trouve, c'est correct. Et oui, ça m'a juste comme... Elle a commencé à mettre des petits commentaires sur mes posts. And I was like, oh my God, like, what the hell is happening? Mais je pense aussi que... tu sais, c'est comme... C'est Queer Icon Claire, là, du Québec. Oui, là, c'est Claire. Puis je pense aussi que... Elle est plus comme juste sweet. L'affaire, c'est que Mitsu, tu sais, quand tu regardes sa carrière, il y a un truc super intéressant dans la mesure où elle est capable... Ça veut dire que les gens étaient fâchés contre elle parce qu'elle était capable de mobiliser beaucoup d'attention, mais elle est vraiment capable de l'utiliser à bon escient parce qu'au final, la fille est brillante, là, genre. Oui. Puis moi, je le dirais jamais assez, c'est une des premières à avoir parlé publiquement de VIH au Québec. Oui. Oui. Elle s'est fait tester en direct à heure de grande écoute en 91. Avec elle, genre, ouais. Ah, c'est que j'ai hâte d'entendre. Ouais. Parce que pour vrai, ça, fierce, là. Tu sais, il y a plein de gay queens au Québec qui sont capables de show up pour Pride puis de prendre la gig puis de prendre l'argent. Mais tu sais, Mitsu, là, quand on avait besoin d'elle, elle était là puis elle en parlait early on. Là, fait il y, moi, y a un gros sous-texte queer aussi dans plusieurs de ses chansons. Et aussi, tu sais, mettons Mademoiselle Anne, le premier single du deuxième album où elle fait dans le clip, elle est comme en drag king, là. Tu sais, fait qu'il y a comme. C'est vraiment c'est de real. Mais honnêtement, il faut que le monde redécouvre sa discographie. Vraiment. Comme, c'est super. Comme chaque album a une son et une visuelle différente. Ouais. Like, je sais qu'elle n'est pas la meilleure chanteuse au monde, mais elle sait comment utiliser sa voix. Elle a une personnalité. Les chansons sont tellement bonnes. On a dealé avec Britney Spears pendant combien d'années. On est correct avec les chanteuses qui chantent pas. Oui, c'est correct. Et les vidéoclips aussi, comme je trouve que c'est la seule, pas juste québécoise, mais canadienne de cette époque qui a vraiment comme des super belles. J'ai hâte de voir sa participation à Drag Race aussi parce que quand ça a été annoncé, en fait, les anglophones, ils s'en souviennent. C'est ça qui m'a quand même fait chaud au cœur. Il y a beaucoup d'anglophones, pas les plus jeunes, là, mais qui se souviennent de Mitsu, tu sais. Mais c'était comme, it's a thing, là. T'sais. Mais est-ce que vous saviez que Mitsu avait fait un featuring avec RuPaul dans les années 90? Oui, Everybody Say Love. Hey, tabarnak! Okay. Ouais, RuPaul a été à nous. Elle nous raconte ça dans l'épisode, là, comment la rencontre avec RuPaul, comment elle, déjà à ce moment-là, c'était avant tout, là, c'était avant Drag Race. C'était pas supposé être une tune de RuPaul qui est devenue une tune de Mitsu. Mais Everybody Say Love, c'est un catchphrase de RuPaul. C'est ça, RuPaul a écrit la chanson et RuPaul, dans ce temps-là, travaillait avec un producteur qui s'appelle Jimmy Harris, si je me trompe pas, qui travaillait avec Mitsu sur son album anglais. Et c'est comme ça qu'elle a eu la chanson. Et moi, je pensais que c'était sur un des albums de RuPaul, mais non, c'était vraiment comme donné uniquement à Mitsu. RuPaul l'a jamais enregistré. Fait que ça, c'est quand même, c'était assez... Fierce. Ouais, vraiment. Mais Mitsu, pour vrai, online, là, such a sweetie. Genre, moi, j'ai déjà joué un remix house de Bye Bye Mon Cowboy, je l'ai tagué dessus. J'ai dit, Mitsu, tu t'en souviens-tu? Puis elle m'a juste répondu, oui! Avec plein de points d'exclamation! Non, mais attends, mais vous avez vu, là, sa fille, elle a eu 18 ans, puis si l'histoire, si j'ai bien compris, c'est qu'elle a booké le Trash Bar sur Saint-Laurent pour la fête de sa fille, et je pense que sa fille trippe sur Samy Landry. et elle a fait débarquer Samy au trash bar. Et là, ils ont fait plein de photos puis de trucs TikTok. Non, j'ai essayé. C'était incroyable. Quand j'ai vu Samy dans deux minutes dessus, j'étais comme de featuring. Je pense que c'était ça l'histoire. On savait pas qu'on avait besoin de. Je sais pas, mais c'était. On devrait prendre l'exemple sur Samy Landry puis arrêter de se faire chier avec un calliste de podcast puis juste faire des vidéos 30 secondes. Effectivement. Prendre des photos, c'est un Olympique, on est juste à côté. Mais vous le demandez, moi, si vous voulez une cigarette, ça me fait plaisir. Ah, ouais. Okay. Je sais pas si Mitsu aime Noël, mais je pense que Mitsu, moi, ce que j'aime, c'est sa famille. Là, vous êtes tellement intime. Mais sa famille, moi, j'ai travaillé, là, je vais name dropper, mais j'ai travaillé avec Abeille, moi, dans la vie, mettons, il y a longtemps, Gélina, la sœur à Mitsu, Gélina. Puis, cette famille-là, moi, j'ai aussi un trauma de famille, mais cette famille-là, je les ai toujours trouvés nice. J'ai toujours trouvé que c'était pas une famille conventionnelle. Je sais pas c'est quoi, si c'est la vibe, c'est la mère. La mère, elle est quand même cool aussi. Si c'est comme, je sais pas, il y avait quelque chose de... Je crois que c'était pas une famille, même si c'était une famille nucléaire, il y avait une mère, il y avait trois filles, il y avait, tu sais, mais... Ouais. On dirait que c'est aussi pour ça, je pense, qu'elle est cool, c'est qu'elle représente pas des valeurs... Elle représente des valeurs familiales, mais pas... pas old school, là. Pas old school, c'est ça. Ah. Ouais. Go les Gélina. Tabarnak. Hey, les Gélina, OK, are we the house of Gélina maintenant? Est-ce qu'on rajoute ça de Gélina à la fin de la house of Gélina. Trana Winter, Gélina, pour vrai, je trouve ça sonne bien. Mais moi, ça fait déjà un bout que je suis house of Gélina. Trana Gélina. Je pense que c'est le titre de l'épisode. C'est the house of Gélina. Trop bon! Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on n'a pas parlé de l'album de Noël de Sia, puis moi, je veux qu'on parle de l'album de Noël de Sia. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Parce que elle a pas repris des tunes, aucune. Ah oui, elle les a écrites. Oui, okay. Ça c'est cool. Toutes ces tunes à elle. Ouais. Je l'écoute à l'année longue, son style d'album de Noël. C'est trop bon, là. Allez écouter ça. Mais il y a de tunes avec des grelots, ça non, là, mais... Et celui de Kylie Minogue aussi est super. Ah, j'ai jamais écouté ça. Oh, wow. Ouais. Et il y a quand même, je dirais, comme la moitié sans des originales. OK. C'est super fun. Et c'est un bon vibe. Pierre Lapointe, moi, je vais plonger. C'est mon engagement de plonger dans l'album de Pierre Lapointe. Je n'ai pas plongé dedans, mais j'ai écouté sa chanson avec Mika. C'est quand même nice. Une chanson d'amour de Noël de Mika et Pierre Lapointe. Oh my God, attends quoi? Ouais! Tu savais pas ça? Il y a comme une tonne, il y a comme un duo amoureux d'un océan qui nous sépare. Tu sais, c'est très Pierre Lapointe. Oui. Là, c'est très comme over the top, tu sais, nous fait du Pierre. Ouais, ouais. Mais avec Mika, un duo gay de Noël, why not? Mika fait un duo avec Kylie sur son album de Noël aussi. No fucking way, my God. Full circle. Mais moi, j'avoue que, mettons, mon gateway présentement pour la musique de Noël, faut qu'il y ait du queerness. Tu sais, faut qu'il y ait. Et la version de Christmas Rapping des Spice Girls, amazing. Ah ouais, sinon pour Et en fait, leur chanson Goodbye, qui n'est techniquement pas une chanson de Noël, mais il a sorti pendant le temps des fêtes. Et un Christmas number one au Royaume-Uni. Alors pour moi, ça évoque toujours Noël. Et le vidéo avec comme toute la glace et la neige. Ouais. Sinon, moi, une de mes tunes de Noël préférées, c'est Give Me a Man for Christmas, des Weather Girls. OK. C'est super raunchy. C'est genre, Give Me a Man for Christmas. En fait, ça me fait penser, comme il y a des chansons de Noël disco qui sont super comme... Ouais. C'est trop bon, là. Charo, Mamacita, Donde Está Santa Claus. Oh my God! Ça, c'est super. Charo. Oh my God. Il y a une artiste que je consomme pas pantoute, là, c'est Charo. Cucci, calice. Et Boney M, ils ont un album de Noël aussi qui est fantastique. Oh my God. Oh my God. Oui. Wow. Qui considérait qu'il fasse un album de Noël? That's it. Moi, je suis comme... Il y en a presque tout le monde a déjà fait, même Mary J. Blige. Oh my God. Okay? Like, Mais des personnes qui, à un moment donné, étaient super cool, mais qui fait des albums de Noël. Non, mais la réponse est évidente, guys. Quand Adele, Trana, quand... Si Adele décide qu'elle sort un album à Noël, personne va vouloir sortir d'album de Noël cette année-là. L'industrie va se tasser, va faire voisine Adele. Mais Laurent est déjà un album de Noël. Est-ce que tu l'entends pas? Ouais. Moi, je l'ai entendu dès la première chanson. Mais ça, c'est un album de Noël. Strangers, quelque chose. Ouais, cette chanson-là. C'est un peu jazzy blues. Puis Ouais. Mais quelqu'un m'a fait rappeler de la chanson de Noël de Céline. J'oublie le nom, mais c'est quelque chose de Walking in the Winter Snow. Mais la façon qu'elle dit le mot snow, ça fait plus comme snow. Snow. Walking in the Snow. D'ailleurs, petit fun fact niaiseux, moi j'aime beaucoup Underneath the Tree de Kelly Clarkson, qui est comme la, à mon avis, la meilleure tune originale pop de Noël du 21e siècle, dans genre mainstream. Okay. Les petits statements, là. Et le co-writer de ce tune-là, c'est genre le co-writer de Adele, Easy on Me, Hello. Oh, ouais. There you go. There's Christmas music in there. Ouais. Oh. Non, moi j'aimerais. Un album de Noël de Cher. Ah ben. Elle l'a jamais fait. C'est ma liste, non, ouais. Elle n'a jamais fait. Elle a juste fait une chanson sur un album de Noël qui est super iconique, A Rosy Christmas. Oh wow. L'album de Noël de Rosie O'Donnell avec dans le temps qu'elle avait son show, et il y a comme des duos avec Ricky Martin, Lauryn Hill, comme tout le monde, et il y a un avec Cher. Wow. Et c'est dans le style de Believe, it's amazing. Mais j'ai vraiment besoin d'un album danse de Noël de Cher. Oh my God, why? Yeah. Moi, j'ai deux personnes. Je veux Mary May. Yes. Yes. Puis je veux Patrick Watson. Deux univers complètement différents. Beau, mais Patrick Watson qui fera un album de Noël, moi, je pense que je viendrai dans mes pattes. On s'entend que les albums de Noël de Sufjan Stevens, je veux dire, je... C'est déjà est-ce ça. Est-ce qu'il y en a? Ah oui. Oh, that must be a really depressing Christmas. Mais oui, mais genre, je te rends juste gay and sad. Oui, il n'y a pas d'espoir, c'est pas le vibe. I'm gay and sad, that's it, c'est non, bon. Non, mais là. Honnêtement, il y a quand même un mélancolie à Noël. Comme c'est même moi, comme j'adore Noël, mais je le ressens. Comme la journée de Noël, comme il faut que je... comme quitte la salle où tout le monde est pour pleurer à un moment donné, like, à chaque année. Like, il y a juste quelque... Parce que pour moi, je pense que c'est juste un sentiment éphémère. Ouais. Like, je suis tellement content, je me sens tellement entouré That's d'amour. Pisces energy. Mais non, mais c'est comme damn, là. Mais je sais que ça va terminer dans 24-48 heures. Ouais. Ça me rend toujours super triste. J'aime ça que pour te préparer, t'es genre nostalgique d'avance. Genre. Oui, honnêtement. Et Water signs. Wait, I have a confession. Oh. Moi, j'ai une chanson de Noël originale. Ah oui, c'est vrai. Qui My est God. Sur Spotify. Ça s'appelle Holiday Afterglow. Et justement, ça parle de cet sentiment comme j'ai déjà comme la tristesse que ça va terminer avant que ça commence. Okay. Deux choses. La prochaine fois que quelqu'un come for you sur Mariah Carey, tu sors ta tour de Noël comme réponse. Ça, c'est un. Puis deuxièmement, il faut battre Mariah Carey. Là, on part une campagne. Ah, on veut que la tour de Trana chart là, dans le top. Yes, Christmas number one. OK, on parle quand même. Avant même de sortir l'épisode, je pense qu'on va starter la campagne sur Instagram. Merci, je l'apprécie. Oui, le plus vite possible. Merci. Bon, ben. Surtout que c'est tellement payant avoir des streamings sur Spotify. Ben oui. Hey, fait que, qu'est-ce qu'on fait? Vas-tu vraiment prendre des cafés ou on fait juste... On peut continuer. On va se prendre un petit café. On peut prendre un petit café. Moi, j'ai besoin d'eau, moi. Fait que... de café, j'ai besoin de café. C'est vrai, on ne boit pas d'eau. Je vais me prendre un café Baileys, moi. Je vais faire ça des fêtes. C'est quoi, donc, un café... Non, je me rappelle plus ce qu'il disait, mais mon oncle. Je trouvais ça bien drôle. Bon. Ben, on ne saura jamais. On ne saura jamais. On ne saura jamais. C'est pour ça qu'il faudrait faire du live avec une ligne ouverte. Le monde pourrait nous appeler puis nous répondre. Asti, yes. Fait que je suis rendu que j'ai mal au cœur. Le Bailey, ça tombe sur le cœur, tabarnak. C'est lourd, en plus. Ouais. Je me rappelle quand je buvais ça. J'ai jamais aimé ça. Je sais. C'est le genre d'affaire que tu fais par obligation dans le temps des fêtes. Moi, quand j'étais jeune... Comme la petite crème de menthe. De la crème de menthe, pour vrai, j'ai un sweet spot. J'ai un sweet spot. Même si ma première brosse, c'était la crème de menthe puis que j'ai vomi vert en tabarnak. Je faisais des shooters. Je faisais des shooters, j'avais pas compris que c'était du sirop. Fait que j'étais juste comme shooter! Oui, c'est ça. Ça coûtait la menthe. T'as le fun, j'ai 14 ans. Oh my God. On fait ce qu'on peut dans une sick, ok? T'étais dans une sick? J'étais allé au secondaire dans une sick, mais je vivais dans. J'étais comme à l'est de Villeray. Genre, j'étais Mont-Saint-Louis. Mais oui, on fait ce qu'on peut dans une sick, ça va à Mont-Saint-Louis. Ça va, c'est pas facile la vie. Ben, on fait ce qu'on peut en termes d'entertainment, on s'entend. là, back to Grinch mode, parce que là, ouais, là, on a glorifié Noël, on a parlé de la culture pop autour de Noël, ok, fine, là, mais tu sais, qu'est-ce qui nous fait chier de Noël? Ah, qu'est-ce qui nous fait chier de Noël? Qu'est-ce qui me fait chier de Noël? Aller en région. Aller en région, parce que ma famille, ben là, maintenant, ils habitent en région, ils sont tous à retraite, mais pendant des années, tout le monde était à Basse-Couche, Terrebonne, whatever. Puis à chaque année au jour de l'an, faut aller dans le nord. Genre, je suis comme, mais pourquoi vous habitez tout en ville? Pourquoi je vais me taper 3 heures de char, tabarnak, pour aller genre dans le un nord? Non, les Laurentides, là. Maintenant? Ouais, Mont-Laurier. Okay, Mont-Laurier. Ouais, okay. Ferme neuf. Okay. Représente. Puis non, je suis comme, à chaque fois, se déplacer pour. Ah, mais passer tout le temps à Montréal, qu'est-ce que c'est de place? Que ces autres sont partis. Là, ouais, mais je peux pas recevoir chez nous, vas-y. Effectivement, c'était sûr qu'à Montréal, je peux pas recevoir. Grosse famille. Mais, ouais, moi, j'ai, à un moment donné, j'ai réalisé aussi que j'allais seulement au Saguenay, justement, pour les vacances d'été ou les vacances de Noël, mais que ça, tu sais, comme, ça venait tout le temps avec un moment où, moi, j'allais là, mais que je développais pas non plus de sentiment de comme, moi, ouais, je viens de là. J'ai grandi toute ma vie à Montréal, je suis né à Montréal, tu sais. Puis, à un moment donné, là, j'ai juste arrêté d'aller à Noël, là, puis, si je m'en suis jamais mieux porté. Juste parce que tout le monde de ma famille vient régulièrement à Montréal. Je vais les voir. Fait que tu sais, comme j'ai pas besoin de me mettre en situation. Moi, je trouve que à Noël, généralement, on passe moins du temps de qualité parce que étant donné que tout le monde est là et qu'il faut que tout le monde soit ensemble, tu peux jamais avoir de deep talk avec des gens ou de plus passer avec ta du temps avec quelqu'un que t'as pas vu depuis 5 ans. C'est ça, c'est tout le monde ensemble à jouer à des jeux, c'est tout le monde ensemble à... Moi, regarder des enfants. Non, moi, c'est regarder des enfants déballer des cadeaux. Moi là, pour vrai, je comprends. Je sais que c'est ton 7e pis que t'es encore fucking crinqué parce qu'il y en a plein d'autres qui s'en viennent, mais moi, pour vrai, tous ces cossins-là, je suis un adulte, je peux conduire au Toys R Us et aller les regarder. J'ai pas besoin de te voir les ouvrir. Ah non, moi, je suis vraiment gâté, par exemple, parce que mon sens de l'humour me vient clairement de ma famille. Genre, tout le monde est drôle dans ma famille, on rit pour vrai. Puis tout le monde joue de la musique aussi, fait que ça nous prive de faire des jeux. Ouais. On joue de la musique, on chante, mais vous êtes plaisir. Pas des traumatisés, mettons, vous avez pas des traumas familiaux intenses, que c'est moi qui est tout seul. Parce que moi, c'est ça, Noël. Ben non, moi, ma mère s'est divorcée, j'avais 4 mois, fait que je m'en suis pas rendu compte. C'est ça. J'ai été chanceux, on m'a épargné. Parce que là, je vous ai parlé de ma famille ça, nombreuse tantôt, mais le cœur de mon... La raison principale de ça, c'est que mon père, en fait, c'est l'oncle de ma mère. Puis dans l'histoire, c'est que mon père, donc, il a un frère, et ce frère-là a adopté ma mère, mettons... Quand, mettons, ma mère avait 5-6 ans. OK. Et toute cette dynamique-là, quand ils se sont séparés, ça l'a fait de la bouette, genre. T'sais, ça a vraiment été comme un moment... Fait que moi, tout ce qui est famille, j'ai du gros trauma parce que je suis comme, je veux pas le savoir. Je veux pas... Pourquoi tu penses que je fais un show qui s'appelle Chosen Family? Ouais. Ouais. on va arroiser ma famille. Fait que pour moi, il y avait comme un... Tu sais, puis moi, c'est un exemple, mais après ça, il y a plein de gens qui ont des traumas familiaux d'abus, des problèmes d'alcool, de consommation, et des familles, le temps des fêtes, les gens consomment plus. Fait que, fait que pour moi, il y a comme... Puis tous les non-dits ressortent aussi. Fait que je pense que quand ça dépend beaucoup de... Comment cette relation-là se porte? Si la relation va bien, fine, puis c'est sûr que ça peut être ah le non, fun. Ben c'est ça, nous autres, on est chanceux parce que ma famille se comporte comme une famille aristocrate anglaise au 19e siècle. Genre, tout le monde a des good manners, la conversation, elle est fluide. Wow. Oui. Il y a pas de... pas personne va se pogner puis s'engueuler. C'est l'école blanc, mettons? C'est quoi les jobs, mettons? Beaucoup de... Ben, ça dépend, là, genre, beaucoup de garagistes. Ah, OK. Il y a des hommes qui ont travaillé dans la commission scolaire. Sont tous assez business. OK. Mais pourtant, tu sais, ils viennent pas d'un milieu particulièrement riche, ils n'ont pas une éducation énorme. En fait, j'ai réalisé en vieillissant aussi que moi, j'adore le trauma familial des autres. Ouais. Je cherche un peu toujours l'espèce d'histoire, tu sais, l'espèce de secret qu'on veut pas dire. Non, nous autres, smooth sailing. Ah, ouais. Ouais. Toutes mes oncles sont mariés avec leur femme depuis toujours. Puis même à... Honnêtement, tout le monde se pose la question d'où il sort ce style-là, mais... Pis même à ça, t'aimes pas ça, Noël, là. Avec tout ça, là. Ça a l'air le fun, à date, quand t'en parles. Oui, passer du temps avec ma famille, ça... Mais en plus, c'est ça, j'allais dire. Noël, souvent, c'est des free vacations dans l'année. Mais non. Là, faut que t'ailles en région. En plus, faut que tu t'habilles bien. Faut que t'achètes des cadeaux. Le stress de la dernière semaine, là, d'acheter toutes les... Parce que moi, j'ai pas d'avance jamais, là, quand j'achète des cadeaux. On peut-tu se donner un hi-fi pis commander de la pizza en pyjama? Mais moi, c'est surtout, tu sais, comme, quand est-ce qu'on arrête pis il y a du monde, tu sais, comme, genre, faire l'obligation de faire des cadeaux à des gens qui ont besoin de rien, ça me rend fou. Puis je comprends le truc, tu sais, c'est-à-dire que moi, mettons, avec mes mères, ma sœur, tu sais, souvent on va se donner genre des billets de show, une sortie, tu sais, se donner du temps, puis ça fait plus de sens parce qu'au final, tu sais, on a pas besoin de choses, tu sais. Mais ouais, ça aussi, tu sais, je trouve que l'injonction des cadeaux, là, c'est quoi stress, les pires là. Cadeaux que vous avez reçus? Oh! Quand j'avais... C'est un cadeau de fête, mais c'est pas grave, moi, le passé pareil. Oh, mais ouais. Quand j'avais genre 4 ans, ma mère m'a acheté un ceiling fan, un ventilateur. Un ventilateur à mettre à au plafond. Tu l'as emballé puis tu l'as déballé? Oui! Wow! Il y a des photos de ça dans mes albums de bébé. Mon Dieu! J'étais genre... Puis à l'époque, genre, je me rappelle, j'ai aucun souvenir de ça. Moi, mon cerveau a vraiment fait une bonne job avec les traumas. Mon enfance est disparu dans ma mémoire. Mais genre, je vois les photos, puis à cette avec le recul, je suis comme, mais veux-tu me dire à quoi t'as pensé, tabarnak? Wow. C'est quand même très ouais. drôle. C'est drôle. Sinon, à chaque année, dans l'échange de cadeaux, c'est moi qui se ramasse avec la bouteille de boisson, puis je suis comme, ha ha ha, c'est très drôle. Calice, ouais, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donne à Charlie en rentrant à Montréal. Oui, mais là, maintenant, je suis un des rebelles, je me suis retiré de l'échange de cadeaux, puis à chaque fois qu'il me demande pourquoi, je suis vraiment très sec, puis je suis comme, parce que je pogne tout le temps de la calice de boisson. Ouais. Voilà. C'est bon, ça, c'est bon. Vous autres, c'est quoi vos pires cadeaux? Mais moi aussi, c'était un cadeau de fête. Et c'est, ça venait du chum de ma mère à ce temps-là. C'était, je pense que c'était ma 12e anniversaire. Okay. Et c'était l'album Falling Into You de Céline Dion. Et oh, j'ai demandé pour le reçu et je l'ai échangé. J'ai jamais su que c'était ton beau-père qui t'avait donné ça. Non, non, like, just her, my, her oui, my c'est ça, en français, on dit un beau-père. Oh my un beau-père, c'est scary. Aussi un beau-père, c'est aussi le père de ton conjoint, mais c'est aussi le chum. Ils sont de... plus ensemble, c'était juste comme à cette époque-là. Ouais. Oui. Oh wow. Yeah. Okay. Moi, ça, c'était le pire. J'hésite entre les marches de randonnée. Clairement, je fais pas de randonnée. Mon père, un moment donné, m'a donné des marches de randonnée. Oh. Puis à un moment donné. Des cartes cadeaux de la CEPAC, genre. Quand j'habite en ville, je marche. C'est ça, tu sais, genre. Puis, mais un truc fucking bizarre. Mon père, une année, il m'a donné un dictionnaire de toponymie du Québec. Donc, parce que moi, j'aimais les atlas. Mais tu sais, à un moment donné, tu donnes un atlas à toutes les années, je suis correct. Ah, t'as couvert le monde. J'ai couvert le monde, tu sais. La planète est limitée, c'est ça l'affaire. Puis c'était un truc, un ouvrage de référence, genre la section référence à la bibliothèque au secondaire, là. Puis c'était, mettons, tu fais lire l'origine toponymique de mettons, de Ferme-Neuve. Ouais. Pourquoi ça s'appelle Ferme-Neuve? OK, mais honestly, sounds cool, c'était though. C'était un peu great, mais ça, mon père, c'est sounds cool, though. Hit or miss, là. Ça, j'étais un peu, en fait, sur le coup, j'étais comme, what the fuck? Puis finalement, j'en parle, puis je commence. For me, it's a hit. For me, it's a hit. Ouais. Ah, moi, je passerais des heures là-dedans. Moi, pour vrai, c'est oh, les... Mon Dieu. Moi, pour vrai, les gens qui se donnent des produits d'hygiène personnelle à Noël. Du savon? Ma grand-mère, savon, dans le bon Noël, chaque année. Mais ça dépend de la... Ça dépend de qui, mais moi, je suis juste comme, mon hygiène personnelle, pour vrai, je m'en charge. Comme c'est ma responsabilité, c'est surtout correct. Surtout que t'as du axe. Mais tu penses pas que c'est du tiptoeing autour de ton queerness? T'sais, l'idée de faire comme... Mais aussi, genre, ah, tu sais, queer s'occupe de lui, c'est un homme qui se lave, genre, je sais pas, là. Non, non, c'est comme le cadeau général, genre, j'étais à la pharmacie magasinée pour Noël, puis... À un moment donné, j'ai commencé à aller au cégep de Saint-Laurent, puis ils ont bien compris qu'il pouvait pas m'acheter. Il y en a pas d'hygiène personnelle. Il y en a pas d'hygiène personnelle là-bas, là. Mais ouais, ça, moi, j'étais juste comme, voyons, ouais. Mais en même temps, je comprends qu'il y a des gens qui ça fait plaisir parce qu'ils vont pas, comme, s'acheter quelque chose de super dispendieux, qui sent vraiment bon, qui est bon pour la peau, qu'est-ce que ça. Je suis comme, great, tu sais. Mais pour moi, ça, des affaires plates. Ouais. Mais... Moi, j'aime toutes ces affaires plates, comme j'adore recevoir des chandelles. OK, mais des chandelles, I fuck with it now. I fuck with it now. Je suis comme, ouais. Moi, ce que j'aime de Noël, c'est qu'à chaque année, je m'essaye pour un cadeau plus cher avec ma mère. Ça fait des années, j'ai dit, Chris, maman, j'ai au-dessus de 30 ans, on peut-tu arrêter ça, me donner... Non, me donner le cadeau. Je suis comme, OK, ben, à chaque année, j'essaye, je monte à bord un peu plus. OK, mais moi, je me demande, genre, l'avoir à mon char. Justement, les millennials, nous autres, là, jusqu'à quel âge on reçoit des cadeaux de nos parents? Ça finit plus, moi. Moi, je suis pas capable, tu sais, je veux dire, mais psychologiquement, mes parents sont pas capables là, de pas me donner de cadeaux. En même temps, ils en ont pas 19, fait que tu sais, ils peuvent maintenir ça pendant longtemps. Vous autres, vos parents sont, toi, tes parents sont ensemble? Non, mon père est mort. Écoute, hostie. Toi, oui, tes mères sont ensemble. Ensemble, amoureuses, genre, oui, là, tu sais. Okay. Un pouvoir d'achat plus important. Ben, gars, c'est des. Attends, c'est quoi? C'est des. Des lesbos? Des minx. Non, parce que c'est, t'as dinks, genre. Non, ok, c'est pas daddy, c'est double. Double. Fait que la condition, ce serait mobile income. No kids. Mais en fait, y'en a des kids, ça n'a pas rapport, genre. C'est juste pas ta vie. Ouais. C'est juste pas ça, genre. Oh my god. C'est juste des femmes dans leur prime earning, en fait. Ouais. Ou sont retraitées, ou sont dans leur prime earning. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que... Moi, mon père, il me donne plus de cadeaux, puis ma mère, elle me donne des affaires fuckées. Elle m'a donné des affaires fuckées dans la vie. Ma mère, elle m'a déjà donné des Oreos. Ah, OK. Parce que moi, j'aimais les Oreos comme enfant, puis à 18 ans, elle trouvait que c'était comme symbolique. Elle m'a donné une boîte d'Oreos double crème. J'espère que c'est la même année que le livre de topographie, genre. C'était pas la même année. Toponymie, ouais. Topographie, ce serait plate, là. C'est juste comme, ben, OK, ça, d'élévation, bon, c'est ça. Les bottes de randonnée, ça aurait marché, là, mais... Bon. Mais aujourd'hui, moi, comme ma mère, elle aime pas Noël, c'est super chill quand je vais chez elle à Noël. En fait, on peut commander du poulet puis regarder une saison télé. C'est-tu l'année passée qu'on a regardé The Morning Show, Le show d'Apple TV. Ça, là. Toute la journée, le 24. Ah, mais ça, là, la saison 2, moi, je me la suis fait raconter, là, puis c'est encore mieux. Tu l'as vu en condensé, tu veux pas avoir à te taper ça. Ça va être juste... ça, Noël, pour moi. Ça va être genre, on se lève le matin, on part un show qui a dit, c'est un esti de long show, là. Tu sais, une longue saison, tu sais, la programmation régulière de tous les réseaux est en pause, genre, pis là, j'ai plus le cadre, ça me concerne plus vraiment, mais tu sais, t'as tous les marathons. Là, si tu veux faire un marathon, t'ouvres ton Chris d'ordi puis go go, mais ça, c'est moi, ce que j'adore la tradition de regarder les mêmes films à chaque année. Ouais. C'est quoi tes films de Noël? Home Alone. Ok, ouais, très bon The choix. Family Stone. Et le numéro 1, c'est A Muppet's Christmas Carol. Ah, ok, ouais. C'est vrai, moi, j'écoutais celle-là quand j'étais jeune. Sinon, moi, c'est Sur les traces du Père Noël. Je sais pas c'est quoi en anglais. Ouais, avec Tim Allen. Ouais. Ouais. Oh, mon... Santa Claus. Oui, je pense que c'est Sam demain. Moi, je suis très excité pour la deuxième saison d'un show de télé-réalité de Noël qui s'appelle 12 Dates of Christmas. Oh my God. Non. Que j'ai regardé l'année passée. Oh my God. Pour Réalité Conséquence, mon autre podcast de télé-réalité. Oh my God. Donc, le concept, 3 leads, comme genre Bachelor ou OD, whatever. Puis, ils se font présenter des dates, puis ils doivent faire des choix, puis ils ont 12 dates. Puis, des fois, il y a des dates qui sont crashées. Fait que, mettons, Charlie, puis moi, on est sur une date. Puis là, Jess débarque, puis il dit, sorry, Thomas, je te prends Charlie. Et je te promets que je ferai jamais ça. Et ça se passe, c'est vraiment quétaine, ça se passe dans un espèce de château en Autriche. Et l'année passée, il y avait un gay. Et le point du gay, c'est qu'il voulait ramener un autre gay à sa mère pour Noël. Je vous dis pas comment ça a fini, mais ça a mal fini. Puis lui, c'était genre chaotique, là. C'est chaotique, il pouvait pas se brancher. C'est vraiment dumb, mais parfait pour les gens. Mais faut vraiment aimer la télé-réalité. Ouais. Moi, ce que j'aime... On est dans le segment, on a eu Noël, mais je vais dire ce que j'aime. J'aime plus les affaires que j'aime. C'est Star Wars sort toujours à Noël. À chaque fois qu'il y a un Star Wars, c'est à Noël. Ah, depuis oui, les années 70, à part de ça. Yes. Fait que moi, avec mes chums, c'est Merry Star Wars à chaque Butch. Année. Ouais. Oh, Butch. Star t'as Wars, j'ai vu. Non, il y a tellement de tapettes qui traînent dessus. T'as vu le spécial de Noël qui a caché, là, c'est apparemment. La pire affaire c'est au monde, tabarnak. Ça a été le. Oui, il est dur à trouver en esti, mais là, maintenant, avec Internet, on peut faire bien des affaires, mais c'est épouvantable. Ça n'a aucun bon sens. De quoi on parle? Ils ont fait un spécial de Noël de Star Wars. Oh my God. Mais tu sais, Star Wars, c'est un univers en soi. C'est pas quelque chose que tu peux juste exporter puis faire un skit. Oui, faire comme, oui, ici, on a des fêtes chrétiennes. Puis en plus, les acteurs étaient trop pas d'âme pour faire ça, genre. C'est fait que c'est un flop monumental. Là. C'est la seule affaire qui est moins bonne que ça, c'est le spécial Drag Race de Noël. Là. Le Holy Slay Spectacular. Ah ouais. J'aime assez le bout. Tu sais, j'aime pas Noël, mettons, 24-25, ça me gosse. Mais le petit bout d'après, là, la petite vacance. Le entre-deux. Ouais. Ah, ça, j'aime ça. Oui. Ouais. Le in-between. Ouais. L'anus du temps des fêtes. L'anus du temps des fêtes. Ouais. Le 27, là. Ouais. Là, on commence à venir en ville, il y a des petites affaires, tu sais, il y a peut-être un petit party le samedi, ouais. Le samedi entre les deux, tu sais, ça c'est... Alors, tu as dit tantôt que toi, tu vois ta famille assez régulièrement pendant l'année, de toute façon, mais moi, je trouve, honnêtement, je peux pas vraiment l'exprimer comme il faut, mais il y a juste, pour moi, une magie que je ressens la journée du 25, que je peux pas expliquer. Mais tu l'as toujours eu ça, même enfant? Oui, toujours. Ouais. Et je le ressens vraiment. Et alors pour moi, je ne pourrais pas juste comme voir ma famille une autre journée. C'est pas la même chose. Et encore une fois, je ne peux même pas dire pourquoi. Ouais. C'est juste quelque chose que je ressens. C'est un Christmas magic. Ta grand-mère a fait une bonne job de créer cette magie-là. Oui, absolument. C'est ça. Parce que nous, c'était toujours une source de stress. Tu sais, Non, pour nous, c'est vraiment... c'est pour ça que je l'aime. C'est jamais stressant. Ouais. Like, je pense que c'est la journée où tout le monde peut mettre leurs choses à côté. Ouais. On est tous heureux. Puis c'est la journée où tout le monde, souvent, dans beaucoup de familles, genre le symbole, c'est que c'est la journée où il n'y a pas de bonne excuse pour pas être là. Oui. Genre, c'est la journée où tout le monde prend le temps de se déplacer. Oui. D'aller. Moi, dans ma famille, c'était beaucoup ça. Je pense que ça dépend aussi... C'est ça, là, toi, tu parlais de trauma, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, mes Noëls, l'enfance, ils étaient très heureux. Ma grand-mère cuisinait pour tout le monde, pas personne qui avait rien à faire, puis on voyait dans le sous-sol. Puis, en plus, on était vraiment gâtés parce que j'ai un oncle et une tante qui sont quand même fortunés, puis qui prenaient le temps chaque année à Noël de magasiner pour tous les cousins, cousines au complet. Fait qu'on avait tout un cadeau à déballer le soir de Noël, c'est genoux de grand-papa. Moi, dans ma famille, on cuisine, là, mais tu sais, surtout les aliments M&M, là. Ça passe par là. Ah ouais, les petites quiches congelées. Ah ouais, les petites bouchées frites. Oui. Ah ouais, moi, la couronne de crevettes, là, avec la sauce. J'adore une couronne de crevettes. Pour vrai, là. Cette crevette-là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu l'océan, là. Ça fait longtemps qu'elle est dans le congélateur, là. Mais pour vrai, dans ma gueule, elle s'est plus nager, c'est sûr. Elle s'est plus à coule, là. Mais ouais, moi, c'est jeune. Les œufs mimosas, on peut-tu en parler? Ah, j'aime la mayo, ça. La mayo carry, puis pas de la mayo carry que, tu sais, tu mets juste un peu de carry de qualité, tu sais, tu le fais roast un peu plus, ça explose de saveur. Tu sais, la mayo pacté de caries sans nom, ouais, acheté au max. Du caries qui a pas été cuit, là, qui goûte la poudre, non, non, non, oui, là, moi, t'es, t'es au Québec, c'est, là. Tu sais, en plus, genre, c'est tellement ironique parce que tu dirais à n'importe quel keb de mettre du curry dans quelque chose autre que des œufs mimosa, c'est comme, qu'est-ce que c'est pas bon, là? Mais sinon, c'est quoi vos traditions de Noël qui n'ont pas rapport avec Noël, les choses que vous faites pendant Noël, si vous qui haïssez Noël? Moi, le truc, quand c'est à chaque année, mais mon père n'est pas au courant, c'est que on fait une compétition avec l'année d'avant pour le lunch de Noël le plus court. Ça dure moins d'une heure. On va genre à l'express. Je te jure, on s'assied à 11h05. À 11h50, j'ai payé, on s'en va. C'est comme, c'est fait, c'est terminé. Un sprint, ouais. Moi, ça me fait beaucoup rire, cette tradition-là. Mon père n'est pas au courant. C'est pas désagréable, ouais, mais tu sais, c'est comme, c'est assez. Ouais. Ça va être ça. Puis, ouais. Ça n'a pas besoin de s'étirer trop longtemps. Puis, moi, j'apprécie ça. Mes parents sont vraiment non conventionnels, les deux, dans plein de choses. C'est pas des gens de tradition. C'est pas des gens... Ils sont pas affectés si je ne vais pas, si je donne pas de nouvelles. T'sais, ils ne me gossent pas avec ça. Ce qui fait que... On est très libre, tu sais. OK, ben, ça marche. Si, mettons, ça marcherait pas aller dîner avec mon père, ben, on va pas aller dîner, puis c'est pas grave. Ouais. Fait qu'il y a pas, là, j'ai plus cette affaire-là de pression que j'avais plus enfant, adolescent, mm-hmm, quand je courais les parties. Fait que moi, je dirais ça. Mais tradition... Non, c'est ça. Moi, je suis une famille très... Tradition. Puis tu sais, même au courant de l'année, ils se voient souvent. Genre, leur cercle de vie à ma famille... Genre à faire Pâques, là. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Les familles qui font Pâques. Ouais, ah oui, le jambon, l'ananas. Un party à Pâques, un party à l'Action de grâce, un party à toute occasion de monter dans le Nord est bonne, faire un party. La Saint-Jean. Même jour de l'an, ça, je vais en parler tantôt, mais genre même le jour de l'an, nous autres, on fait ça en famille. Puis je parle aux autres gens, puis toutes les gens sont comme, hein? Comme adulte, avec ta famille. Moi, je viens les voir là, une semaine, calice. Mais là. Non, là, not gonna lie, parce que c'est ça encore. Donegan, c'est son musicien pis son moi, fun. Moi, je m'en mais... vais dans un rave scoopé de la merde de des poches de menthe. C'est pas encore. Mais c'est ça, genre, c'était le party du 1er janvier, là, c'était le, parce que c'est le 31 et le 1er, il y en a deux. Ok, c'est comme une fin de semaine au chalet. Oui, parce que dans ma famille, il n'y a pas un party qui dure en bas de deux jours. Ils montent les chapiteaux, bingo, là. Puis, c'était le party to look forward to. C'était l'événement de l'année, le party du jour de l'an. Là. C'est là qu'on virait notre plus grosse brosse. C'est là que... Mais moi, je trouve ça triste. Ils ont fini ça à minuit, là. Ça veut-tu dire que, mettons, ce monde-là qui vivent comme ça, ils n'aiment pas leur vie? Tu sais, qui n'ont pas de fun mais à moi, j'ai soir. Toujours trouvé ça pour les fêtes de Noël des bureaux. Quand moi, je travaillais pendant quelques années à la Banque nationale, au centre... She owns 51% of this company! C'est quand j'ai dit ça sur le runway avec genre executive realness, là, excusez, j'ai une bulle. Non, mais à chaque année, pendant Noël, comme tout le monde avait tellement hâte aux fêtes de bureau. Ouais, oh mon Dieu, non, et ça, faire non. Les plans et tout ça, moi, j'ai jamais participé. Moi, pour vrai, j'ai et je pouvais pas croire qu'ils étaient excités. Like, pour moi, c'était un cauchemar. Moi, la seule fois où j'ai eu des collègues anglo, justement, comme, là, like, is this all they have? Moi, la seule fois que j'ai eu des collègues anglo, là, je n'avais pas le choix d'organiser le party des fêtes. Ah, parce qu'il était poche. Parce qu'il était comme, Charlie, t'es la seule personne de fun ici. T'organises un party de plus. J'étais comme, OK. Puis à chaque fois, il était comme, mais Charlie, c'était tellement le fun. Il va falloir que tu l'organises l'an prochain. Puis j'étais comme, calice. Ouais. Non, moi, j'ai jamais assisté. J'ai jamais participé. Jamais. C'est la Banque nationale, là, quand même. Moi, je travaille dans une compagnie de tech, fait que je suis allé. Tout le monde était sa drogue. C'était quand même très drôle. Moi, j'ai eu beaucoup de parties, tout le monde sa drogue. Des parties de coiffeur, des parties de pub, des parties de marketing. Est-ce qu'on n'est pas la bonne profession, là? Ouais. Quelle profession, on est podcastrice. Ouais, non, c'est oui, ça. C'est ça, j'étais comme dans quelle profession c'est ça, moi, on est là. Mais ouais, ça, c'est la chose que j'haïs le plus à Noël, c'est les extras. Oui. La famille, c'est une chose. Là, le bureau, les amis non. que t'as pas vus, ça fait 10 ans. Tout le monde n'a pas besoin de fêter Noël, là, c'est non, correct. Non, là, le cercle des fermières, ah non, c'est l'enfer. Il faut que tu fasses le tour de tout le monde. Moi, je suis pas abonné au cercle des fermières. Moi, ma tradition à Noël, là, c'est de m'en aller. Ah oui, tu fais un... Je m'en vais tu fais un tout exit, le temps en décembre. Mais parce que l'enfer, c'est que... Ah, de t'en aller du Québec. Oui, oui, après, c'est vrai. Reste, là. Oui, non, moi, je déménage en Argentine. Cochonne, c'est ça qui se passe. Ma là. Cochonne. Mais c'est parce que moi, l'enfer, c'est que... tant qu'à voyager, souvent, surtout quand j'étais étudiant, j'avais le beat de voyager l'été, parce que c'est l'été que j'avais de libre, mais c'est cave. L'été, c'est ce qu'il y a de le fun à Montréal, là. Tu vas être là. C'est fini ce temps-là. À ce temps, on a des bulles de chaleur, puis c'est plus vivant. Oui, bon, effectivement. Garde ça dans tes souvenirs. Dans le futur, il n'y en aura pas. That's it. Mais. L'hiver, en fait, c'est le moment parfait pour partir, parce que c'est pas grave de skipper l'hiver au Québec, là, je veux dire, c'est rough, tabarnak, là. Mais, puis c'est ça, puis j'ai eu un breakdown hier par rapport à mon départ à Buenos Aires, juste parce que, genre, à un moment donné, ça fait beaucoup de fois que je fais ça, me mettre dans des situations de partir vers de l'inconnu, puis je suis comme, quelle force me tire là? Qu'est-ce que j'ai encore besoin mais d'apprendre? Tu pars après Noël? Non, je pars le 7 décembre. Mais là, Chris, on vient de passer, ça fait 2 heures qu'on parle de Noël, tu fêtes plus Noël ici? Non, non, moi, je fête jamais Noël. Je suis toujours parti, je suis ailleurs, je ne suis pas là, genre. Wow! Ouais. Okay. Ouais, à le silence treatment de Noël. Ouais. Ah, ben, c'est une bonne idée. Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est que justement, je vois tout le temps ma famille. Tu sais, comme. Oui, le reste de l'année, là. C'est ouais. ça, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de. Puis, tu sais, avec ma famille, c'est juste comme check. On se fait plaisir, on fait ce qu'on veut, puis c'est correct, là, tu sais. Mm-hmm. Puis, mais c'est ça, tu sais. Là, j'étais juste comme, mais qu'est-ce que je m'en vais chercher aussi quand je m'en vais aussi loin juste pour le fun, tu sais. Puis. L'année passée, t'étais au Mexique. Dans le fond, j'étais. Là, c'était la COVID, fait que j'étais là. Okay. Mais l'année d'avant, j'étais au Brésil. L'année d'avant, j'étais. Genre, en tout cas, tu sais, non-stop. Puis, j'ai réalisé que, dans le fond, là, quelqu'un m'a expliqué que les gens qui voyagent puis qui s'en vont ailleurs, ce qu'ils cherchent, c'est à se mettre dans une situation de d'avoir plus de repères puis de les reconstruire, puis que c'est ça le challenge, en fait. Ouais. J'étais comme, ouais, en fait, c'est juste ça. Ouais, de faire connaissance trop... avec la version de soi qui est ailleurs. J'écoute là. Juste ouais. trop Survivor, esti. J'ai trop besoin de me mettre dans une situation de challenge, pas d'allure. Au moins, je suis pas affamé, parce que je pourrais jamais tenir à Survivor, je deviendrais pas du monde après 15 minutes. mais ouais, c'est ça, en fait. Puis, tu sais, là, c'est avec ma job aussi là, que je vais à Buenos Aires. Ouais. Fait que, tu sais, comme si j'ai une occasion en or, puis je veux dire, tout. Ouais, t'es chanceux. Ouais. Oui, je suis fucking ouais. chanceux, je vais juste comme Chris me le faire, tu sais. Mais c'est ça. Mais j'avoue que. T'es comme un snowbird, là, on va se le dire. Pour vrai, je suis quand même un young snowbird. Là. Ouais. C'est ça qui se passe. C'est ça qu'on va là. Se dire, là. Ouais, ouais. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Pourquoi attendre la retraite pour être snowbird? What the fuck? Ben, en tout cas, moi, je suis chanceux parce que je travaille pour, genre, une organisation internationale de, genre, prévention lito-VIH. Fait que, tu sais, comme ça fait que ça vient avec se déplacer aussi, surtout maintenant que c'est plus possible, tu sais. Mais, ouais. C'était quoi ton breakdown? C'est que tu te demandais pourquoi tu faisais ça, puis la réponse juste, que t'as oui, trouvée... Oui, j'étais juste comme, mais pourquoi je fais ça? Genre, pourquoi je m'en vais me calisser à l'autre bout du monde où je ne connais personne, que c'est pas dans ma langue, que genre, tu sais, comme, juste tellement d'affaires. Puis après ça, j'étais comme, mais non, mais tu sais, je l'ai vraiment préparé, puis c'est juste un défi que je veux relever. Puis tu sais, comme, oui, il va y avoir des moments de solitude. M'a appelé Jess, elle va me dire allô, elle va avoir l'air bête, puis elle va me dire, non, mais je suis allé sur ce qui se passe ici. C'est là que tu sais à quel point un breakdown est grave quand ta référence pour parler à quelqu'un, c'est moi. Pas m'appeler moins. Bon. Quand même. Ben, c'est ça, ouais. Fait que moi, ma tradition de Noël, okay. c'est le moment de fuite. C'est quand même cool parce que tu veux passer le 31 décembre. Ça, c'est excitant, passer le 31 décembre dans une autre ville. Il y a peu de choses à dire. C'est excitant. Ça, c'est hot, pas vrai. C'est vraiment excitant. Puis, tu sais, c'est le jour de l'an, fait que c'est le fun. Ouais, genre, ouais. Ouais, c'est du genre 31 décembre dans une autre ville. Moi, de plus en plus, j'essaie de faire avec des amis. J'ai comme quitté, je fais Noël, okay. la famille, le jour de l'an, queer people, autant que possible. Bienvenue dans la vie. Oui, merci. Mais là, c'est ça, cette année, je sais pas ce que je fais parce que c'est un peu plus compliqué, mais ouais, normalement, j'essaie de faire jour de l'an avec les amis, Noël avec la famille, parce qu'un moment donné, ça va faire aussi, là, j'ai le droit de voir d'autres mondes. Moi, je dirais que le jour de l'an, c'est le seul jour de l'année, tu sais, je disais que j'haïs ça, qu'on est obligé d'avoir du fun, c'est le seul jour de l'année où je suis comme, ok, non, je peux avoir du... Non, moi, je déteste le jour de l'an. Quoi? Oui. Je fais jamais rien. Attends, il n'y a pas de waiting for tonight, là. Non. Wow. Well, juste moi seul à la maison en train de l'écouter. Mais ça, c'est le fun. Oui. Être seul à la maison quand même le 31 décembre. Il y a quand même quelque chose de tellement relaxant. J'ai déjà fait une couple de fois, puis là, tu te lèves le 1er décembre, le 1er janvier. Ça peut être nice. Oui, dans quel état moi, ça... C'est un choix, c'est évidemment. But l'idée d'être un grand party with a bunch of douchebags, like, no way. Bon, l'affaire, c'est que tout le monde veut faire le party au jour de l'an. Fait qu'il faut vraiment c'est être prévoyant pour se déplacer, surtout à Montréal. L'année, je pense, c'est 2020, non, là, où il y avait genre un pied de neige. Là. Moi, c'est chez quelqu'un. Là. C'est jamais dans un club. Moi, jamais, je vais aller faire. Pogné dans un tas de morons en sueur qui savent pas où se garocher. De toute façon, ils sont pas rentrés avant minuit. Là. Oui. Souvent, à minuit, t'es comme pogné. Ça, c'est l'affaire, le jour de l'an, je peux pas partir de bonne heure. Oh. Sinon, it lost its purpose. Ouais. Ben, ok, on s'en va se prendre un dernier petit café de 2021, puis on vous revient en 2022. Over-caféiné pour vous parler de 2022. Ouais. Avec des résolutions, puis tout. Oh. Oui. Oh non. Moi, j'ai pris 1080 par 960. C'est ça, ma résolution. Drôle. Asti, que t'es drôle, calice, que dans l'info. Joke ever, okay. Fait qu'on est revenu du café. Ben oui, c'est ça. Voilà, ça roule. Bonne année! Lâche ton sel. Bonne année! Fait que vos traditions du jour de l'an, Jess, c'est chez quelqu'un, pas chez dans quelqu'un, un club, oui. Hier. Oui. C'est un des rares moments où je me permets même des grosses, grosses drogues qui durent longtemps. Ah, ah. Ouais. Ah, toi. Ouais. Ouais. Toi, Thomas, tu fais quoi au jour de l'an? Moi, ça dépend. Un des fun, il y a une couple d'années, c'était à la Nouvelle-Orléans. Ça, c'était vraiment le fun. Ah, yo, la Nouvelle-Orléans, ça n'a pas d'estime. Ouais, bon Nouvelle-Orléans, sens, là, un genre de party, genre bounce, ouais, musique ouais, chronique, ouais, ouais, tout le kit. Puis l'affaire avec Nouvelle-Orléans, c'est quand même pas très riche, fait que les queers sont vraiment le fun. Ouais, c'est pas, c'est pas obnoxious, c'est genre vraiment ça, relax. C'est ça. Puis aussi, à New Orleans, au jour de l'an, tout le monde s'embrasse. C'est ça. C'est genre, t'embrasses ouais, le monde au jour de l'an, mais genre, ouais, le monde s'embrasse à la gueule, là. C'est vrai. Il y a des feux d'artifice, puis en plus, à cause de Mississippi, il y a du brouillard. Fait que c'était comme tout un scene. C'était quand même intense, là. Le monde, il faisait popper des. Il faisait brûler des. Pas des feux d'artifice, là, mais des... Des pétards? Des pétards, okay, c'est ça. Des pétards. Ben moi, je me souviens à un moment donné d'être dans un punk bar à New Orleans, genre juste avant le décompte, de me diriger vers le party, ouais, puis il y avait genre des punks dans le milieu de la rue Saint-Claude qui, genre, ouais, dirigeaient leurs feux d'artifice artisanaux, mais j'étais comme, visez mieux la gang, me semble. Ah, mais c'est au même, c'est le bar, là, ouais. Là, je vois c'est où, c'est ouais, ça, ouais. J'étais ouais, comme, me semble, ils sont bas. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Sinon, début 2020, j'ai organisé, moi, je t'avoue, tu sais, mettons, être dans un bar un peu la même chose que toi, je le ferais pas, mais mettons, de l'organiser, c'est assez le fun, de donner cette occasion-là aux gens ouais, d'avoir du plaisir. Il y en a pas, ils sont juste pognés pour aller là. Mais la part, c'est qu'il faut que tu sois sûr que ton monde vienne, parce que au nouvel an, tout le monde fait le party, il y a des parties partout. Fait que, ouais, oui, tu ça veux, c'est vrai. Il faut que tu sois the main thing, si tu le fais. Ouais. Mais une couple de fois, comme 30 ans, moi, j'ai déjà fait des 31. Tu sais, chez nous, tout seul, pas de TV, pas de bye-bye, pas rien, puis t'es comme, t'es vraiment, il y a un silence, mur, là. Puis t'écris des intentions, des affaires, là, tu sais, un peu... Un petit peu d'introspection. Est-ce ouais, qu'on capote avec le fait qu'on a décidé que c'était à ce moment-là que l'année commençait, puis qu'on est revenu au même point, mais alors c'est que c'est ça, super c'est... arbitraire, là. Oui. Mais juste le concept du temps est arbitraire. Oui. Oh my God. On peut-tu, s'il vous plaît, le merci temps? Qu'est-ce que le temps? Marin, c'est quoi le temps, là? Oh my God. Mais moi, tu vois, ces rituels-là sont plus organisés autour... Mettons, là, on vient de passer les éclipses, là. Tu sais, une éclipse solaire ouais, en avant, une éclipse solaire en décembre. Pour moi, c'est plus... J'essaie de plus organiser ça autour des éclipses, des pleines lunes, des solstices. Ça, ça a plus de sens pour ouais, moi de se dire, OK, là, ça, quand c'est même, une transition... Effectivement, un jeudi soir de, tu sais, 31 mais décembre, what en the même fuck, temps, hein? Je trouve que c'est vrai qu'il y a une certaine notion de comme le chiffre vient de changer. Ça oui, prend un an, tu réfléchis sur ton année. C'est genre, tu sais, comme, j'aimerais. C'est un checkpoint. J'aimerais oui, ça être cooler than that, mais en même temps, je suis comme, nah, it works for me, là. Yeah, oui. Yeah, je comprends. Mais en même temps, c'est tellement. Donc, on dirait, moi, depuis l'élection de Trump, là, on dirait qu'à chaque année, je me refuse d'avoir espoir que. Depuis 2017, là, j'étais genre, non, là, on va pas vivre sous l'illusion que les choses vont aller. On pense de pas que ça va bien. On pense pas que ça va mieux aller en 2022. Mais là, j'avoue hein, que je pense pas que ça va être 2020. Là. Je pense pas que ça va être autant de la merde que l'année l'affaire, passée. Puis 2021 aussi, tu sais, je pense là, en 2022, ça a comme pas le choix d'être mieux. Tu sais, on le ressent déjà, là. Genre, ouais, mais on est pris dans un genre de cycle parce que je me rappelle en 2016, c'est aussi une année oui, légendaire oui, de la... Tout le monde, ça avait commencé avec Harambee qui s'était fait tuer, puis maintenant ça avait comme... Oui, c'était pas l'année que Bowie est mort aussi. Hein? Oui, Cohen est mort en 2016. Est mort, oui, c'est ça, c'est l'année que toutes les famous étaient morts. La grande purge. La grande purge, René. Je pense que Hugh Hefner est mort cette année-là aussi. Okay. Genre, c'était vraiment une grosse oui, année. Oui, c'est vrai, ouais, puis le monde à la fin était comme 2016, tu nous as volé. Je sais pas quoi. Là, ouais. Fait que c'était un peu la. Puis genre, après ça, 2020, il y a eu la pandémie, là, fait qu'on s'entend que. Hard c'est assez beat, clair, là. Comme... Nice. C'est hard to beat, la pandémie. Oui, oui, oui. Oh, je pense que 2016, hey, c'est quand Trump s'est fait élire. Oui, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Tu sais, c'était... Faites-vous des résolutions? Mais là, tu parles, c'est ça. C'est là que tu vas en venir, les résolutions. En as-tu des résolutions? Moi, je prends des résolutions sur une base bi-hebdomadaire, là. Fait que c'est un peu... Oui, des fois, ça arrive sur le jour de l'an, des fois, c'est la semaine d'après, mais... Oui, oui, moi, je vis dans un état d'introspection permanent, mais... Est-ce que j'en prends plus au jour de l'an? Mais parce que moi, je trouve que c'est intéressant de parler de résolution pour 2022 parce que je trouve que si la COVID et la pandémie a amené une affaire, c'est que je trouve que peu importe c'était quoi, genre l'état de la vie de manière organisationnelle ou dans, tu sais, que ce soit genre émotionnellement, dans le travail, dans leur situation, les gens font des moves. Tout ouais, le monde a été tellement misérable qu'ils sont juste comme, le monde, they won't fuck around, they ouais, won't go for non, it. Non, pas là, moi. Moi, je suis comme retombé dans mes mauvaises habitudes tellement facilement. Ah ouais? Oui. Moi, ça a vraiment été un wake-up call de comme, OK. Il y avait un moment où je pensais que c'était un wake-up call, mais quand j'ai réalisé que c'était pas un wake-up call collectif, c'est comme j'ai perdu comme cette inspiration. Moi, j'avais vraiment observé que individuellement, les gens avaient juste comme fait plein de... fait des bold choices, puis je trouve que tu rencontres souvent des gens que tu connais, que t'aimes, que tu as l'impression qu'ils font partie de ton cercle, mais ça fait genre un an et demi que tu les as pas vus. Puis genre, leur vie ont complètement changé. Genre, ils ont déménagé, ils ont changé de partner, ils ont changé de carrière. Oui. Genre, j'ai crissé ma job là, j'ai flushé mon appartement, j'ai collissé mon camp ailleurs, j'ai changé de linge. Mais moi, j'avais dit que justement, j'allais comme voir mes amis encore plus, parce que tout le temps, comme la grande majorité de mon temps est pris par le travail. Ouais. Et dès que tout est réouvert, comme je suis dans la même situation, le travail, ma vie, encore de nouveau, you know? Et là, et quand j'ai des moments libres, j'ai pas l'énergie. Moi, l'affaire, c'est que j'ai quand même eu mon Saturn Return en pandémie, là. Fait que, tu sais, je veux dire, on n'est pas y aller de main morte, là. Là, tu as eu 30 ou tu vas avoir 30? Je vais avoir 30. Tu vas avoir 30, là. Enfin, elle va passer de l'autre bord. Je vais avoir 30 cet été. On est cancer les deux, On est cancer les deux. That's it. Fait que, non, mon Big 30, ça va être de quoi, là? OK. Moi, j'ai un truc bizarre à chaque année. Ça, c'est comme la partie de moi qui est un peu psychic. Ouais. Comment est-ce que tu dis ça en français, psychic? Medium. Jojo Savard. Ouais. C'est chic! Il n'y a pas un mot? Ouais, ben ésotérique peut-être. Ouais. Ou connecté. Ouais, c'est difficile de trouver spot on le mot que ça veut dire. Ouais. Mais on comprend. Mais c'est un mot important. Ouais. Because I am one. Fuck l'ordre alphabétique dans le dictionnaire, mettez-les en premier. Mais c'est parce que c'est comme... C'est pas comme être clairvoyante, mais il y a un aspect de ça que je pense que j'ai dans un certain sens. Oh, clairvoyance. Like, yeah, I guess. That's the word. Okay, there you go. Alors, chaque année, je ressens comme... This is going to sound so weird and so corny. Love that shit. Mais je ressens comme qu'est-ce qui sera la couleur de l'année qui représente l'énergie. Oh, mm-hmm. Et ça me vient juste vraiment bitch. Comme très naturellement. C'est juste comme je l'ai eu... En fait, ce soir, 2022, c'est vert. Ah, OK. Tabarnak. Vert, la couleur de l'argent et de l'espoir. Sortez-y un pareo avant d'aller chercher des roches sur le bord de la beach dans le nord de la Californie, quelque part pété sur l'acide. Là. Qu'est-ce qui se passe, Trana, là? Mais honnêtement, I'm being super honest. Mais... Quand on arrivait à 2020... Ah, je me souviens, ouais. On en a parlé sur Chosen Family souvent. J'ai pas eu de couleur. Like, il y avait rien qui m'est venu. J'avais pas de vision de l'énergie pour l'année qui m'est venue du tout. Ah. 2020, une année pas d'âme quand même. 2021, c'était quelle couleur? Une année sans couleur. Pardon? 2021, c'était quelle couleur? Ça, je m'en souviens pas. Il se peut que j'avais pas eu de couleur pour 2021 non plus. Ça fait un bout qu'on n'a pas de couleur pour vrai. Honnêtement, je ressens vraiment vert pour 2022. Moi, j'ai une... And I can't tell you what it means. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire non plus. Moi, là, j'adore ça. Mais c'est grande juste... déclaration en grande pompe. Je vois les couleurs de l'année, la gang. C'est mon pouvoir. J'ai aucune calice de ce que ça veut dire. Ouais. Mais je vous l'annonce. Michel, visage, mais t'es en tabarnak. Ouais, c'est ça. C'est l'année qu'après sa retraite. Oui, c'est vrai. We're gonna be green! Tamar, have you seen the show? Moi, j'ai une suggestion à faire pour les résolutions. C'est vraiment... C'est du next level astro. Okay? Ouais. Connaissez-vous... Donc, tout le monde connaît son ascendant. Nous, on est les scorpions. Toi, c'est quoi ton ascendant? Verseau. Verseau. Puis toi, c'est... Lion. Lion. Le moment pour faire des résolutions, à mon avis, qui est le plus utile, c'est quand le soleil est dans le signe de notre ascendant. Oh. C'est vraiment un moment où il y a comme des fins quand même d'affaires de l'année. Là. Surtout sur une base annuelle. Ouais. Là, un moment où t'es comme... Fait que toi, mettons... C'est sûr que... On peut tous faire des conclusions, genre toi, c'est comme fucking back to school, là. Fait qu'on peut se dire... Ah non, mais Jess, là, pour vrai, par exemple, elle a une hostie de saison, là. Ben fait, l'été, début d'automne, là, genre où c'est Lyon, Vierge, back-à-back, là. She is powerful, don't c'est fuck ça. With her, là. C'est mes deux mois de l'année où je suis Alors que toi, mettons, il y aurait quelque chose que tu aimerais en fin janvier, début février, que tu serais... Là, c'est parce que t'es comme dans ta fin d'année n'est pas vraiment finie le 31 décembre. Ouais, ça ouais. finit fin janvier. Mais moi aussi, tu sais, je pense que souvent les cancers comme sont très homies puis voyagent pas beaucoup puis sont très dans le confort puis dans la maison, tu sais. Puis moi comme cancer, mais c'est trop parce que vous deux n'êtes pas comme ça du tout. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi je comprends pas de ça me vient d'où, mais en même temps moi de me mettre en situation où j'ai à recréer de la maison puis de l'intime puis des relations ailleurs, ça me stimule vraiment beaucoup. Puis aussi c'est là où genre je je brise mes patterns de codépendance, parce que je pense que la codépendance pour les cancers, c'est comme quelque chose qui revient tout le temps, dont on fonctionne en paire, puis on a beaucoup besoin d'être nourri et de nourrir, tu sais. Puis genre, ça a du bon, mais ça peut aussi être un couteau à double tranchant. Fait que moi, c'est comme ça que je break it, genre. Mmh. Fait que je sais, mais mon chiron est en cancer. Oh, boy, girl. Oh, girl. Fait que ouais, fait que généralement, comme, tu sais, là, janvier, février, moi être seul, va être le fun. Moi faire mes résolutions, moi regarder dans la face. Dans l'astro de 2022, là, sur le sujet des résolutions puis de la nouvelle année, il va avoir une conjonction de Jupiter et Neptune en poisson, donc dans un signe d'eau. Neptune qui est un signe, genre, qui est une planète, mettons, de rêve, d'espoir, de créativité. Jupiter, une grande planète d'expansion, ça va arriver au mois d'avril, puis tous les astrologues capotent, là, sont comme, c'est un point tournant en quand poisson, même. C'est le fun, là. C'est cute comme c'est thing, ça, là. C'est ça. Puis ça, puis ça on va être messy, puis on va se mettre weed, là. Moi, ça arrive, parce que la prochaine fois que les deux vont se rencontrer, ça sera plus en poisson. Ça arrive genre aux 500 ans, là, ouais. Mettons, qu'ils se rencontrent dans un signe, c'est ça. Fait que là, ça va et être... Est-ce qu'il y a quelque chose d'extra pour moi comme je suis poisson? Oui, ça va être super. Ça va être très bien. Do pour I les get poissons. A bonus? Ah ouais. J'ai-tu une petite maillot underside quelque chose? Ben, ça va être. C'est un, je pense que c'est un grand moment comme d'actualisation puis de créativité puis vraiment inspirant. C'est un moment qui est présenté comme positif, là. OK. C'est ouais. Ce moment-là. Hey, Chris, ça va être. Avril? Non, c'est pas avril. Ils vont-tu arriver? Oui, ça va arriver en avril. C'est pas pendant le poisson, mais ça va arriver en avril. Mais la question, c'est le 23 avril. Ça va être les élections en France, fait que ça va. Ça va être un beau moment d'optimisme et de réjouissance, là. Non. Moi aussi, j'étais comme... J'étais comme non. Non, oui, non. Ça va laisser la sur seule un... chose, s'ils peuvent garder Mathieu, s'ils peuvent garder MBC, puis qu'ils gagnent, c'est ça la... Ah, mais oui, non, mais c'est, pour vrai, on barre l'Atlantique, là. C'est ça. Ouais. On va construire un mur. C'est fini. Moi, je viens d'avoir un flash, je sais pas si tu peux relate, mais moi, j'ai souvent, à chaque année même... après le jour de l'an, là, quand les résolutions commencent à kick-in, j'ai beaucoup de messages de j'ai pensé à ma consommation. Ben oui, tout le temps. Oh ben oui, j'en ai plein. Ah ouais, mais moi, j'ai bien travaillé ça. Moi, j'ai bien travaillé social le 10 janvier. Oui, c'est ça. Après la fête des rois, ça commence à embarquer. En plus, moi, j'ai arrêté de consommer avant Noël. J'ai comme mon premier. J'ai arrêté de consommer. Le 9 décembre, là, ça a fait 10 ans, là, tu sais. Fait que là, ça va être comme. C'est ton Big Ten. Ouais, fait que là, d'alcool, tu sais. Fait que, ouais. Aïe, aïe. Ouais. Fait que. T'attends-tu le 9 décembre à chaque année pour arrêter de quoi d'autre ou de. Non. T'as des fêtes différentes comme d'autres. Non. C'est la principale. Mais moi, ma mère, elle a arrêté de boire au début janvier. Ça a stické. Elle a un 4 janvier, 5 janvier, okay. Sa sobriété. Puis là, ça va faire 5-6 ans. Là. Hey, ouais. My God, nice. Ah, ouais. OK. Ouais. Fait que moi, c'était en avril, je pense. Oui. Mais là, j'y repense. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est que les fêtes, c'est l'alcool. Je pense que c'était ça aussi qui était comme pas Noël, c'est l'alcool. Ouais. Ça, c'est la partie que je trouve top. Parce que toute ma famille boit, puis boit quand même solide. Fait que ça, des fois, je suis comme passé 10 heures et demie, 11 heures. C'est la substance qui est tolérée, calice. Oui. Toute la famille dropait de la MD, là. Je peux fumer mon pot à cette heure. Ouais, bon. Même dans le temps, je n'étais pas tout seul à fumer du DD. Ouais, au Québec, c'est pas vraiment tabou de fumer du pot. Non, c'est pas comme aux States. De toute façon, les pubs, c'est si tu fumes du pot, tu vas devenir gay. Puis moi, j'étais comme une pierre deux coups. Si c'est déjà réglé. Ouais, ouais, that's it. It's in the bag. Fait que là, c'est quoi? On va jouer au jeu de c'est quoi vos résolutions? OK. On s'ouvre à cœur ouvert. Là, c'est le moment de Chosen Family. Là. Ah oui, OK, c'est le moment de Chosen Family. OK, parfait. Thomas, qu'est-ce que tu dirais à bébé Thomas? Puis là, je sors de en dessous de la terre. Tu sais que je l'ai posé souvent, cette question-là, c'est toujours un hit. qu'est-ce que je dirais comme... moi, je vous avoue que ça a été des années difficiles depuis 2017. Mon père a eu un cancer en 2017, puis ma mère a eu un diagnostic. Puis lui, il va bien. Puis ma mère a eu un diagnostic en 2018, puis elle vit encore avec le cancer. Fait que ça fait quand même, ça va faire 5 ans là, de ça. Mm-hmm. Puis moi, je suis fils unique, puis mes parents sont séparés. Fait qu'il y a beaucoup comme, tu sais, je suis là, tu sais. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a plus personne, là, tu sais. Fait que je t'avoue que j'ai le goût en 2022 de reprendre possession de ma vie, mm-hmm. puis d'être comme, OK, c'est quoi? Puis tu sais, pas de quitter ou pas de crisser mon camp, ou pas, mais tu sais, de reprendre, de me réhabiter un petit peu. Oui. C'est gros, là. Gros, mais après, tu sais, je suis devenu cette année, je suis vraiment devenu aidant naturel. Oui, c'est là, ça, c'est ça que j'allais dire. C'est souvent, parce que moi aussi, c'est quelque chose que je pense beaucoup à propos de ma mère, je suis enfant unique, puis là, elle vient de se divorcer de mon beau-père, fait que tu sais, elle est vraiment plus toute seule. Ouais. Puis c'est ça, puis surtout dans la maladie, tu sais, faut que tu sois là, il n'y a pas vraiment d'autre option. Puis c'est correct de penser à soi dans ces moments-là, c'est quand ça. Même. Puis ma mère n'est pas culpabilisante, là, t'sais, elle veut que je vive ma vie et tout. Puis là, je pense que cette année, ça a été vraiment difficile. Fait que je pense qu'on va comme Fait que je pense que ça serait juste ça. Mais c'est pas négatif, là. Je suis pas. Ah, ben non. C'est ça. Mais ce serait real comme, comme résolution. Ouais. J'aime ça. Qui est. Who's next? Charlie? mais moi, c'est sûr que, tu sais, 2022, c'est l'année où je vais avoir 30 ans. Puis. C'est aussi, en tout cas, moi, avoir 30 ans, genre, c'est pas quelque chose qui me fait capoter parce que la plupart de mes amis ont eu 30 ans avant moi, puis je veux dire, la vie arrête pas à 30 ans, puis genre, je suis content. Non, mais je suis content d'avoir plein de monde qui m'ont appris que, genre, ben non, tu sais, tu fais encore les affaires que tu veux, puis tu fais les choix en fonction de faire la vie que tu veux mener à 30 ans. Il y a personne qui t'oblige à appliquer sur une hypothèque, à genre faire des enfants, c'est pas ça que tu veux, puis il y a plein de gens que c'est ça qu'ils font, and they're thriving. Même si Thomas veut leur en empêcher. mais c'est ça, tu sais. Fait que moi, je suis juste comme, ben, tu sais, c'est l'année de mes 30 ans. Fait que j'ai juste envie de, comme, j'ai l'impression que la pandémie m'a appris ça, là, tu sais, à vraiment, comme, shamelessly aller pour ce dont j'ai envie, puis de pas avoir peur des side hustles un peu épeurants. T'allais pas vers ce que t'avais envie avant? Non, ben, j'ai l'impression que, tu sais, j'étais beaucoup dans un truc de, je sais pas, là, j'ai fait un bac, je me suis mis à travailler en travail social, puis comme, tu sais, c'est pas quelque chose qui, tu sais, genre, oui, la justice sociale, ça m'intéresse, mais c'est pas ça que tu fais quand tu fais du travail social, tu sais. Puis que je suis resté dans un gros déni pendant vraiment longtemps parce qu'au final, je suis avec des gens cool à faire des affaires cool, tu sais. Puis c'est vraiment, je pense que c'est de faire le podcast, puis aussi d'y aller shamelessly là-dedans, dans le « c'est ça que je fais, puis j'en suis fier, fait que je vais le promote, puis il se passera ce qui se passera. » Mais tu sais, après ça, ça fait que moi, genre, j'ai commencé une pratique de DJ, puis ben oui, tout le monde est DJ, mais gars, moi aussi, je suis DJ, puis je suis capable d'en jouer des tunes, fait que si vous voulez me booker, ben bookez-moi. Tu sais, genre... C'est drôle, c'était ma résolution l'année passée, genre, j'étais comme « je suis plus un concierge qui fait du podcast de temps en temps, je suis un podcasteur. » Qui a besoin d'être concierge en attendant. C'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ce qu'on fait, c'est nos bébés, c'est nos projets. Puis on gère notre vie comme on veut. Puis moi, c'est super important. Puis c'est ça que je veux faire. C'est les gigs de stand-up aussi. Tu sais, là, je suis juste à une, mais Chris, j'en ai fait une, j'ai été capable. Puis je suis comme bring more. Puis je trouve que ce qui est difficile avec ça, c'est que oui, on veut faire tout ce qu'on veut, mais en même temps, le capitalisme étant le capitalisme, pour comme vivre et manger, c'est sûr qu'il faut payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre. Ben, principalement. Faut payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, c'est sûr que. Je te dirais que ma résolution, c'est d'arriver à pas trop m'overwork. Okay. Ouais. Je pense que c'est plus par rapport à ça parce que je veux continuer d'aller shamelessly pour les choses que je veux puis de juste comme mordre dans la vie comme une orange qui sort du frigo puis qui me gèle la gencive un peu. Là, notre bon cher Kamal, la Macquarole, qui a fait un post cette semaine qui disait qu'elle avait refusé un truc qui aurait été très payant, mais qui disait ça m'amènera pas de joie. Moi, j'étais genre, OK, I strive for that. Moi, je suis pas là. Vous avez vu le post? Oui, et ça m'a. Peut-être touché trop fort comme mot, mais ça m'a fait arrêter. Ouais. J'ai lu ça parce que moi, je suis vraiment pas capable de faire ça. Et je pense que c'est relié à ma résolution d'être plus intentionnel dans ce que je fais. Mm-hmm. Parce que je reçois, et très heureusement, et bien sûr, j'en suis très reconnaissante, je reçois beaucoup d'offres. Ouais. Et je dis oui, you know, et c'est des choses que j'aimerais être plus dans le driver's seat de ma carrière l'année prochaine, you know, vraiment avoir comme une sorte de plan, parce que je me sens juste comme, like I'm just being like, it feels like my career is leading me, I'm not leading my career, you know, même s'il y a des très bonnes choses qui se passent, je veux juste sentir que il y a un but. Ouais. Et j'ai toujours la même résolution à chaque année, c'est toujours de lire plus. Mmh. C'est comme un reminder à chaque année. Moi, il a fallu que j'arrête. J'ai trop lu. J'ai pas comme, OK, là, la résolution, j'arrête d'en lire, tabarnak. Après sa retraite, tu dis pas le nom de la rue, dis combien de coins de rue tourner. Oui. Et je veux aussi être juste capable juste de, comme, de prendre du place. Ouais. You know, like, de m'ouvrir à des grandes possibilités. Ouais. D'être pas juste contente avec ce que j'ai. Mm-hmm. You know, parce que moi, j'ai vraiment comme, j'ai un peu un sentiment comme, si je prends un risque, je vais perdre ce que j'ai déjà et j'aime ce que j'ai déjà. J'ai toujours une habitude de penser trop petit. Oui. So, j'espère être capable de voir des choses plus grandes. L'année prochaine. Yes! Moi, je le feel. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que 2022, ça va être lit. Mais c'est vert. Ça va être vert. C'est vert. Ça va être vert. Mais c'est vert. J'ai le même sentiment. Like, Quel genre de vert? Quel il file vert? C'est un forest green. Ah, là, c'est beau, ça. Oui. Ouais. C'est pas comme un you know, like slimy green. Ou un vert néon. Okay. Non, c'est un vert naturel. C'est que toi, tu sens que c'est lit, fait que si tu fais, c'est quoi ta résolution qui Justement, moi, depuis une couple d'années, je suis un peu embarqué dans un cercle vicieux que les gens que moi j'ai envie de voir sont trop occupés ou sont dans leur clique ou ils ont d'autres choses à vivre. Fait qu'ils n'ont pas le temps, puis j'accroche beaucoup là-dessus, puis ça par rebound, je refuse beaucoup d'invitations de gens qui voudraient me voir moi, puis que je suis comme, je sais pas, ça me tente pas, pas à soir, je travaille demain, nanana, puis je me rends compte que je suis comme, non, faut que tu dises oui. Oui, comme ça c'est une bonne résolution. Comme Shonda Rhimes. Ouais. Oui. C'est qui ça? Shonda Rhimes, Grey's Anatomy, Scandal, Bridgerton. Elle a écrit un livre, je pense. C'est genre, oui, c'est ça. Ça s'appelle The Year of Yes. Ouais. Elle s'est donné un défi de dire oui. C'est ça. Pour une année. À presque tout. Oui, parce qu'avant la pandémie, j'étais rendu bonne. Là. Je voulais aller voir un show de drague, personne voulait y aller. J'y allais tout seul, je m'en calais, ça, c'est pas grave. Là, c'est sûr que la pandémie, ça n'a pas aidé, mais je suis vraiment revenu dans mes pantoufles, dans mon petit chignou. Moi ça aussi. Me fait chier de pas voir les gens que je veux voir, mais en même temps, je donne pas de jus pantoute aux gens qui veulent me voir. Genre, je suis comme, tu sais, à un moment donné, il y avait un gros cercle vicieux, puis je veux aussi un peu rebâtir ma vie sociale. Je trouve que. Moi aussi, honnêtement. J'étais stické. Ma crise de la trentaine, c'était beaucoup. Les amis que j'ai là, c'est les amis que j'ai pour la vie. J'en aurais pas d'autres. Genre, je sais pas pourquoi j'avais un scheme de même dans ma tête. Mais c'est intéressant de se faire des nouveaux amis en vieillissant. Là. C'est pas évident. Là. Surtout de moi qui est tellement ouverte en public. Faudrait que je vais me passer un podcast de date. C'est la seule place où je suis vraiment. Mais oui. Dire plus oui pour avoir plus de monde. Okay. Élargir mon cercle social. Ok. Je pense que go. Mais sortir du Virgo mood que si je fais rien. Si je peux renchérir avec un peu plus d'astrologie parce qu'on en veut toujours le temps, plus. Tout le temps. Donc, vous souvenez au début de l'été, l'espèce de sentiment d'euphorie qu'on vivait tous, qu'on a comme, qui a comme installé au milieu de l'été. Oui. Selon les astrologues, c'était le petit bout où Jupiter était en poisson. Parce que là, Jupiter est en verso jusqu'à la fin de l'année. Que c'est ça qui est très tough. Et selon les astrologues, dès que Jupiter va revenir en poisson, on va avoir un autre swing. On va avoir un autre swing comme début du mois de juin. Tu sais, l'espèce de petite euphorie qu'on avait toute. Là, quand Jupiter est pas en poisson, c'est comme un fucking long Mercure rétrograde. Là. Quand Jupiter est en verso, mais quand Jupiter est en poisson, c'est très nice en fait. Là. Puis, on va prendre une portion double. C'est ça. Double mac and cheese. C'est ça. Fait que, non, je pense que, écoutez, vous me redonnez espoir. Hein? Sur ce podcast-ci, c'est pas banal. Ça veut-tu dire que tu vas avoir des enfants? Tu vas avoir des enfants? Bon, on y va, on raconte l'histoire. On finit avec ça. On finit là-dessus. Fait que, c'est pas. Thomas Leblanc appelle tous les parents à tuer leur bébé. Oh my god! C'est le docteur Morgan Tyler de notre génération. Eh boy! Eh boy, fait que fin juin, vous vous souvenez, vague de chaleur, au moment où le village brûle en Colombie-Britannique. Cette semaine-là, j'apprends que... Le dôme de chaleur. J'apprends qu'une de mes plus vieilles amies, là, on est des vieux amis, est enceinte. Puis moi, je pensais jamais, elle et son chum, ils nous l'ont dit, c'était un accident. T'sais, c'était pas... Eux autres, ils allaient être deux straight mariés, mais pas d'enfants. Ils étaient vraiment corrects avec ça. Puis elle tombe enceinte, puis... J'étais content pour elle parce qu'évidemment, je l'aime, puis tu sais, lui aussi, puis tout. Mais ça m'a vraiment confronté. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment confronté parce que j'ai... Moi, je dis que c'est une chance. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'ai peu de gens autour de moi qui ont des enfants. J'ai pas un univers. C'est ça. Puis j'ai vraiment, genre, perdu les pédales sur, genre, faut-il faire des enfants? Puis j'ai vraiment obsédé pendant un mois de changement climatique. Ouais, t'as trouvé trop de pédales qui t'ont dit « on fait pas d'enfants ». Oui, c'est plus ça mon genre. Beaucoup de pédales. Et j'ai posté beaucoup sur Instagram ces réflexions-là et ça l'a choqué, trigger. C'est ça, là tu dis que t'as beaucoup de following qui viennent de Fif. Là, je vous dis, si vous followez pas, Thomas, the chaos des fois. Voyons, vous faites des enfants, ça grave. Quand je pars, et je pense que ce moment-là de tu sais, parce que la crise climatique is real, ça fait longtemps qu'on le sait, moi, ça fait longtemps que ça m'intéresse, pas de nouveau, il y a rien qui me surprend là-dedans. Puis, ce que je trouve particulier, en plus, cette année, c'est que les nouveaux enfants, les nouveaux bébés, là, tu sais, qui naissent en 2020-2021, ils vont connaître le 22e siècle. Moi, c'est quand j'ai compris ce concept-là qu'il allait avoir 80 ans en 2100, puis que ils vont un jour falloir leur dire qu'au moment de leur naissance, on savait que la crise climatique... C'est ça que je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise de regarder un enfant dans les yeux, mettons, en 2035, là, dans 15 ans, de dire... Puis s'il me dit, il y a des épisodes, mettons, d'autres villages qui brûlent, d'autres inondations, d'autres trucs comme ça, puis qu'un ado me dirait... Moi, j'apprendrais qu'on savait Je serais comme « Ah, OK, c'est spécial. Tu savais que tu allais mettre au monde là-dedans. » Mais je pense que, en tout cas... Mais moi, c'est mon avis, parce que moi, c'est super personnel. Le fond de l'affaire, c'est, je dis pas au monde d'arrêter de faire des enfants, je dis au monde, arrêtez de vous attendre à des félicitations de ma part. C'est la seule chose. We'll sneak into your room at night et te faire une vasectomie. Après, moi, j'ai le même principe pour les... how do you say engagement? Like, les fiançailles. Les fiançailles. Ouais, c'est ça. Exactement. Je donne pas de félicitations pour ça. C'est pas un accomplissement. Mais non, surtout quand on connaît les statistiques. C'est comme on est aussi, c'est genre, peux-tu vivre dans le vrai monde? Ouais, moi, félicité, mais que tu fêtes ton 50e de mariage. Mais comme, je comprends, moi, mais en même temps, je suis comme, le monde n'arrête pas de faire des enfants parce que ça va mal. Non, ça mais dire que... attends, je comprends. Oui, vas-y, finis ton truc. Mais ça veut dire, je veux pas tomber dans... Parce que moi, je trouve que ce qui nous pourrit aussi, c'est avoir espoir en les prochaines générations. C'est fini. Genre, comme il y en aura, tu sais... Arrêtez de pelleter par en avant. C'est ça. Mais je pense qu'il y a quand même un truc où, ben, tu sais, malgré... Puis là, on imagine les catastrophes, mais la fin du monde, ce sera pas mais comme one pas. Shot. Ça va être plein de crises, oui, ça va être différent, ça va prendre... Des inégalités, puis c'est aussi qu'on c'est a ça. Un immense privilège au Québec, c'est que de mettre plus de Québécois sur la Terre, concrètement, ça consomme plus d'énergie. Il faut dire, à un moment donné, il faut le dire, là, tu sais. Mais... En même temps, tu sais, je comprends que on veut pas vivre ce futur-là, on veut pas d'enfants, on veut pas comme, tu sais. Il y a aussi plein de rapports qui disent qu'il y a de moins en moins d'enfants que jamais. Oui, c'est ça. So that's c'est aussi, mais le peu qui en font, Thomas, il est comme... la stat qui m'a un peu réconforté dans les mois qui ont suivi par rapport à ça, c'est de me dire, OK, il faut pas que j'assume que, mettons, la consommation énergétique d'un occidental en 2050 va être aussi bad qu'aujourd'hui. Ouais. Non, c'est ça, on n'aura plus loin. Dis... Les chaînes d'approvisionnement aussi, puis tout comment qu'on organise nos vies. Mais il y a aussi, des nouvelles réalités qui vont rester. Il va en avoir un prochain village qui va brûler. Il y en a eu un l'année d'avant, il y en a eu un en 2021, il va en avoir un, puis il va peut-être en avoir un en Ontario, puis il va peut-être en avoir un au Québec. On pourrait très bien se ramasser dans la marde demain matin. C'est là. Ça, tu sais. Puis, mais on est. C'est ça. Fait que pour moi, c'est juste ça. Puis c'est ce qui m'a déçu là-dedans. Puis en plus, c'est que j'adore les enfants. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais ce qui m'a déçu là-dedans, c'est que j'ai trouvé que les nouveaux parents étaient incapables d'aborder ce sujet-là. Ils sont comme incapables de parler de la crise climatique. Pourquoi le monde continue de faire des enfants? C'est parce que sinon, il n'y aura rien à sauver. C'est pas la planète qu'on essaie de sauver. Là. C'est l'humanité. C'est ça, il faut arrêter de dire ça. C'est l'humanité, c'est la planète. C'est sûr qu'ils font les enfants parce que sinon, c'est purposeless. Là. Puis, ils vont finir comme nous autres sur le podcast. C'est ça. Mais après ça, c'est ça. Mon drame, c'est que j'aurais aimé. Je pense que j'aimerais ça être père. Je pense que je suis un bon père. Tu sais. C'est ça la réalité. Mais. Non, mais tu peux adopter. Juste, non, ma tête, j'étais comme. Hi, non. Tu peux adopter. Pourquoi tout le monde dit que je suis un daddy, là? Ben non, c'est ça. Mec, c'est ça. Fait que, tu sais, mais après ça, si on pouvait avoir plus cette conversation-là, puis c'était plus ouvert. Puis, tu sais, mettons, tu sais, puis en même temps, je suis pas un monstre, là. Les gens près de moi qui ont des enfants, je suis content pour eux, là. Prenant ta sœur a eu deux enfants, ils sont adorables, tu sais. Je suis pas non plus. C'est pas un truc qui est personnel. Ouais, ils vont être moins cute, mais qui découvrent qu'on savait. Ah! Mais c'est plus ça, c'est que moi, je serais, tu fais un enfant, puis là, dans 20 ans, il dit, tu savais-tu? Tu sais, mettons, l'enfant qui découvre le concept des changements climatiques. Mais moi, j'ai le même sentiment, juste comme, Mom, you knew how bad being an adult is. Like, why did you, moi, j'ai ce sentiment-là. Like, why the fuck was I ever born? Moi, j'imagine, Thomas, qui turn, tu sais, comme les gens qui attendent devant les cliniques d'avortement pour, comme, convaincre les femmes de. Les personnes qui ont pas avorté de pas faire ça. Mais Thomas, il fait l'inverse, il va d'un suivi go de médecin de famille où les personnes viennent faire avec ensuite de concert. Mais impossible. Mais sérieusement, pour l'adoption, on demande aux couples gays de faire des tests psychosociaux. Jamais un couple hétérosexuel. Ouais. Tu sais, pour moi, il y a plein de tabous, et moi, j'adore les tabous. Fait que, tu sais, si c'est un tabou, je vais y aller. C'est vrai. Je vais aller au tabou. Si c'est un tabou, moi, y aller, gars. M'en prendre une bouchée de caca, ça la bombe. Triple water, Scorpio. Fait que c'est ça. Fait que il y a des gens que ça a fâché. Il y a des gens qui ont été bien fâchés de cette position-là. Parfait. Puis il y a des gens qui ont ri. Il y a des parents qui ont dit, t'es cave, mais je t'aime pareil. Ouais. C'est ça. Ouais. Il y avait aussi du monde qui était d'accord. Oui, il y avait beaucoup de. En fait, ça a fait ça. En fait, c'est que l'éco-anxiété est real. Puis je pense que ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça, puis qui savent pas comment l'exprimer. Des gens qui ont décidé de pas avoir d'enfants, des straights, là, qui étaient comme, hey, merci. Mm-hmm. Fait que c'était assez intéressant comme stir the shit. Yeah. Ouais. Moi, en tout cas, je te team Thomas, là. Moi aussi, encore une fois, ma soeur a eu deux enfants. Assez récemment, et je les, ils sont mon cœur, je leur adore, comme il n'y a même pas de mots. Like, I think about them and I start crying. but moi, j'aurais jamais d'enfant. Mais je suis quand même content qu'elle... Mais oui. Elle a des, parce que être une tante... Ouais. Like, it's the best thing ever. Like, je l'adore. Ouais. Je l'adore. C'est juste the good side of it. Et je sais que quand j'ai déjà parlé avec ma sœur à ce sujet-là, et je pense que pour elle, c'était juste comme, well, the world is ending anyway, mais et c'est ça que je veux mais être mère, so c'est, why not? Moi, c'est là où am I to refuse other people's purpose, parce que moi, je voudrais jamais que quelqu'un me dise quoi pas faire. Fait que c'est là c'est que ça. Je suis comme, hey, on peut même pas dire quel jour avoir du fun, tabarnak. Mais moi, j'avoue que c'est ça l'affaire, c'est que à un moment donné, comme, je pense que c'est vrai le truc de comme les humains ont pas nécessairement de purpose, on est juste là pour être beau et étrange et créer du lien, tu sais. Fait que je suis juste comme, ben, avoir un enfant, quelle manière de juste passer ton temps à créer du lien, là. Oh, ouais. C'est juste comme... le fun pour quand c'est ton purpose puis que t'as envie de ça puis que ça te va bien, ça a l'air vraiment si le fun. Si tu pouvais avoir un vrai break de ça, par exemple, je pense que je le ferais. Mais tu sais, tu peux pas leave that situation. Non, il y a jamais. Il y a jamais de style break. Et moi, c'est ça l'affaire. Oh my God! Like, j'ai des besoins. Moi, juste moi, tout ça, comme adulte qui se gère, j'en ai des besoins. Mais c'est pas juste ça. Moi, j'ai fait 10 ans de thérapie à haïr mes parents. Mettons, je veux-tu tout faire ça pour que mon enfant il fasse 10 ans de thérapie à m'haïr? Non. Je suis trop égoïste. Moi, je suis aussi de l'autre affaire. Je suis vraiment égoïste. Oui. Je suis vraiment égoïste. Mon Dieu, me too. C'est ça, je suis beaucoup trop égoïste. Là. Mais encore un 3 contre 1. En même temps, moi, je suis altruiste. Ben, mais en même temps, les parents peuvent être égoïstes aussi. Là. Je ne dis pas que les parents ne sont pas égoïstes. Là, mais je sens qu'on a un nouvel épisode. On va laisser ça reposer pour l'année prochaine. Hey, en tout cas, ça finit bien. En tout cas, nous autres, nos résolutions, on va croître. Puis vous autres, faites pas de bébé. Ouais. Oh my God. Joyeuse mettez fin. Ça dans une diva cup, Steve, puis elle aurait été de nous écœurer. Oh, oh my God. Je suis plus capable. Ok, on s'en va chercher un café avec pas d'enfant. Ouais. Entre adultes. On va le boire dans notre diva cup, puis on vous revient. On veut caféiner. Ça fait une petite crise de café, par exemple, une diva cup. Oh God. Puis un petit trou en dessous, ça va couler. Ça rentre un double espresso là-dedans. Ici, c'est tout pour notre émission de cette semaine. Oh my God, voilà l'émission, hein? Gros épisode. On est allé deep, là. C'était du jasage, ouais. La gang. On s'est payé un très bon. En même temps, on est pas mal les c'est ça. Quatre meilleurs podcasteurs. Pas mal les meilleurs jaseurs et jaseuses. I mean, à ouais. Deux, là. En plus, on a les deux solitudes qui se rencontrent ici. Oh, là, l'anglo rencontre le franco. Trouve ça assez beau. Moi, ça me met dans l'esprit des fêtes. J'ai découvert que Candiac, c'était peut-être Oh my God! Trana, t'as-tu quelque chose à plugger? Je l'ai déjà fait. Non, tu l'as fait, tu me l'as dit en raison. Oh, ok, désolé. Je plug ma chanson de Noël, Holiday Afterglow. Allez l'écouter sur Spotify, Apple Music, whatever else, Google Music, ouais. Je ne sais pas. C'est disponible partout. Il faut battre Mariah Carey cette absolument. Année. Oui. Pour vrai, Noël 2022, c'est Trana number one. Oui, voilà. Merci, yes. Merci. Voilà. Yes. Thomas, petit plug? Petit plug, ben, Chosen Family, allez écouter notre troisième saison qui vient de se terminer. Allez écouter ça. Puis, moi, j'organise des parties. Ça s'appelle Super Taste. Yes. Des parties pop vraiment cheesy. Moi, dans la vie, je pense que je serais un très bon DJ de cabane à sucre. Ouais. Ouais, fait que thématique Diva 2000, tout le kit. Fait que suivez-nous, puis venez à nos parties. On fait un party en janvier, Complicated. Pop punk et hip hop pour les Gen Z. Alors tabarnak. Moi je suis un vrai vieux et alors venez nano party, c'est bien le fun. OK. Fait que c'est ça. Alors Super Taste, on se garoche là en groupe. Yes. En masse, en troupeau. Super Taste. En gang. Oui, so tasty. Ah, tiens, mon Dieu, hey, je vais être vraiment foreseeing. Moi, j'en profite pour dire au monde que notre saison achève et que les chandails seront bientôt disponibles sur une plateforme près de chez vous. Ça, c'est ma plug. Une plateforme? Hey, une plateforme. Oui, je vais louer un towing, je vais mettre les chandails. Un riser. Avec, OK, parfait. Comme ces sites de construction, là, le spring orange. Oui, ça, je vais faire. OK. Nous trouver sur toutes les réseaux sociaux qui ont de l'allure en tapant. De vivre le matin, le chiffre 2. Vive avec un exemple. Pour pas un bon mais j'adore la plug en le SMR. Matin, tout en un mot. OK. Mettez-nous 5 étoiles partout, c'est écoutez des podcasts. Hey, l'autre comme t'es, arrête de faire ça, tu vas imploser. Mais je suis rouge, je suis, j'ai le nez qui saigne. Hey, merci à vous deux de nous avoir reçu. C'était vraiment super le fun. Hey. On l'a déjà dit individuellement, mais je vais vous le dire pendant que vous êtes ensemble. Moi, quand j'écoute Chosen Family dans ma tête, c'est « This is what a podcast should be. Oh my god. Et personne fait des entrevues comme vous autres, pour vrai. Non. C'est l'enfer, là. Non, c'est pas les invités, je m'en calisse, je sais pas c'est qui, je veux pas le savoir, mais je l'écoute pareil. Wow, merci beaucoup. Honnêtement, on vous aime beaucoup. Oui, vraiment, merci. C'est ça, on est les quatre meilleurs. Fait que... Ben oui, c'est ça. Wow. Circle jerk, tout le monde. Bonne année! Bonne année, les bonnes! Bonne année! Bonne année!